C'est bon. Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. Grand. T'entends ? On a besoin d'un là. Fais une tortilla si tu veux. Ou du fait. Ah bah ok. Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Il y a weed. Un petit fouet. Des cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Je pense que j'ai le temps d'aller chercher une chips, ça va un truc gigantesque. Une chips. Ouais, autant le temps d'aller chier. Autant d'aller chercher des architectes. Merci inspecteur Gadget. Ça c'est pas un... On dira la voix de Randall. Mais c'est Randall. Ah d'accord. Ils sont à portée de main. Et là il va me faire 30. Le mec qui vient d'avoir une illumination. Oui. Enfin un petit peu avant mais... Allez viens. Oh là je suis bien. Oh je bouge plus. Oh je ne bouge plus. Oh je bouge plus. Oh je bouge plus. Cinco. Oh. Cinco de la manana. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'apéritif insolite. Balado diffusion revigorante, pleine de joie de vivre et de gaudrioles. Pour animer cette émission d'intérêt général et grand lieu de la culture, nos joyeuderies de sociétaires mêlant perspicacité, incompétence, et merci Carré Pain. Japonaiserie et sirops avancés, même tambour battant la fine fleur des émissions radiodiffusées. Avec nous, deux invités prestigieux venus d'une cointrée, d'une contrée lointaine d'où on ne capte même pas l'ORTF. Je finirai cette introduction rappelant les moyens de communication et de diffusion en vigueur, comme Pod Radio, où on peut nous écouter sur un canal 3. Plus ou moins. Certains. Certains. On peut aussi nous retrouver sur Twitter, mais nous y reviendrons plus tard. Mais n'oubliez pas que les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Je répète, les sanglots si longs faisaient couler l'acide. On est complètement baisé. Bah non, je te jure, il y a On va la gagner cette guerre. Donc, bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode d'Apéritif SO. C'était le nom franchisé. C'était un peu pour... voilà. Donc on est toujours... on est au mois de mars. On est là, on est tranquille. Ouais. Oui, putain, déjà. Ça sent arriver le pot de reine arrive. C'est au mois. Au bord des lèvres, là. Et la semaine prochaine, on va chez toi. Enfin, non, pas la fin du mois, c'est dans 10 dans jours. Dans 10 jours. Si on est en mars, la semaine prochaine, on est chez Tocheux, déjà. Ouais. Oui, bah on sera chez Tocheux, là. Oui, exactement. Enfin, normalement. S'il faut, oui, c'est ça. Au moment où on dira ça, on y sera déjà, en fait. C'est formidable, quand même. Formidable. C'est trop de game. Oui, parce que c'est dimanche 18. Donc, on sera peut-être même plus chez Tocheux le 20. Peut-être, c'est le mardi 20. Le mardi 20 ? Mars. C'est un bon bar de café. La gaudriole, elle est là. On sent qu'il est au bout, là. c'est le troisième. Il est dur, le troisième. Oui, il est toujours dur, le troisième. Ah oui, ça. Et pourtant, la prune est partie. Hein. Bien avant. La prune est partie, mais Mika est arrivé. Comment dire, avant de passer au sommaire de ce qui nous attend dans cet épisode, ou qui vous attend aussi, parce que voilà, vous allez nous écouter quand même, ou nous subir, c'est vous qui voyez. On peut rappeler donc que Pod Rennes, c'est le 31 mars, 1er avril. Le 32 avril et le 15 août. Rue Léon et son gros bébert. Le Berne. Léon. Le Berne. C'est dommage, il commençait bien, ça y est, on l'a perdu au bout de 2 minutes. Et de la prison pour faire. Voilà. Ouais. L'ancienne. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on t'ait pas vu. Mais non, je suis avec les animaux. Il toquait à la porte. C'est ça. Ouais. Enfermez-moi, s'il vous plaît. Je les violerai, les femmes, je leur dirai toujours un bout de dedans. C'était la session sous le signe c'est de... C'est un petit peu la blague de trop, celle qui a dépassé la ligne Maginot, tu vois. La pauvre s'est passée, et puis... Tu peux pas dépasser la ligne Maginot. Un tweet aujourd'hui, j'ai vu sur le compte Twitter History Meme, où c'était pareil, t'avais l'attaque des nazis par les flambes. La Belgique. Et t'avais la ligne Maginot où c'était marqué, en fait, la ligne Maginot, et pour les nazis qui arrivaient, c'était marqué joke. Donc voilà, vous pouvez en retrouver certaines un peu dans la nuit. Vas-y, relance après ça, quoi. Ouais, ouais, meilleur intro. Best intro ever. Voilà, vous pourrez retrouver certains sociétaires à Podren, voilà. D'autres deux, normalement. Deux. Certains sociétaires, genre Pierre Baffi, Laurent Baffi... Enfin, trois, non, mais je dis deux. Jean Dormesson, sociétaire de l'Académie. Ah oui, ce que j'allais dire quand t'as dit deux, je... Voilà, tu seras là. Ben moi, je pensais que t'allais dire 4. À voir. Mais donc, c'est officiel, le nain, il vient pas, alors. Bah, ça enfin, pas le nain d'avion. Je vais calculer pour l'avion, je vais essayer de calculer pour l'avion. Il calcule pour l'avion, Non, mais... Tu veux pas la route. Ah, j'aime pas la route, moi, ça me rend malade. Pas plus que la poire. Non, mais t'as vu l'effet de la poire plus un SMS, alors imagine la route. Non, mais si on met une... Mais c'est pas grave, si on lui fait une barracuda, normalement si ça on passe. Charge de somnifère, dans 4 heures, tu te lèves et puis... Ouais, c'est ça. Eh, hey, j'ai des très bons somnifères pour mon chien quand il est stoppé. Je te jure, à mon avis, ça devrait marcher. Je te mets ça dans le beefsteak et hop, ouais, c'est bon. Ça, ouais. Un but, techniquement, c'était pas un SMS, c'était un Snapchat. Charge-toi de l'amener à Bordeaux quand on va faire le transit, et tu vas voir, le vendredi, je m'occupe de lui. Ok. Je le mets dans le coffre, après, il sentira plus rien. À la place du Mans. T'as donné envie. Et tu reviendras, tu seras castré. Il est déjà à 10 jours. Ta bonne blague de Noël. Ah, mon Dieu. Ouf. Non, je te la laisse. Franchement, je te la laisse. Celle-là, je te la laisse. Ouais, vous tout plombé encore. Ouais, mais tout plombé encore. Par contre, on est les rois du blanc quand même. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission du coup? Présentation du contenu. Mais non, bah voilà, c'est le seul qui n'a pas le conducteur. Bah oui, moi j'improvise. Voilà. Alors, il y a le ça va ou blanc. Hein, toujours cette rubrique que le monde nous invite, comme toujours d'habitude. Moi, j'ai envie de cette rubrique. Voilà. Après, on a, alors, on commence alors, du coup, par le quiz du coup. Le quiz du coup. Sur le comique en France du coup. De notre cher Azadou. Du coup, c'est la comique. Il sait où le comique. Et après, on a un dossier. On met pas les questions à l'invité entre les mais deux. Mais si, mais ils sont après. On verra, après c'est toi qui décide, mais là il y a le quiz, le dossier, les questions, le quiz. On peut passer ça tout de suite, les questions, vous savez. Allez, on passe ça tout de suite. On se fait ça tout de suite. On s'écoute tout de suite les questions de rendez-vous. Parce que là il y a le quiz de Tocho aussi. C'est pour ça. Ah, tu as voulu un peu panacher. Oui, oui. On parlait d'HL dans le. T'as voulu panacher. Bon, on fera comme c'est pas grave. Pas comme ça. C'est pas grave. Après, on a donc un quiz. Je voyais pas un dossier. Ou quiz, du coup, dossier. Putain, je voyais pas hier. À rayures. Il y a quoi C'est bien parce qu'Asto, il a un pull à rayures. C'est un truc sur rare. Il est à poil. Il est à poil. Ah, tu vois. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Cette transition. J'ai oublié, moi. Après, donc, on a les. Non. Question à l'invité, c'est un... Ah, c'est pareil, ça c'est la rubrique que personne nous invite par contre. Même moi. Surtout toi. Surtout lui. Pour prouver la détresse, hein, quand même, hein, cette rubrique. Et après... Détresse. Et après, on aura donc un quiz de Tocheux et ça sera sur la NHL. Eh oui. Voilà. Et après, bon, bah, la petite musique, pas libre de droit comme d'habitude, parce que de toute façon, hein, on n'a rien pété. Pas, on connaît ça. Et ouais. On est podcasteur, on l'est pas. C'est ça, voilà. On est du dimanche déjà. Fuck l'assassin. Samedi. Fuck l'assassin. Samedi. Donc, on va commencer. Mon temps cul. Donc, un petit ça va Donc, on en est là déjà. Un petit ça va houblon. Voilà, un petit ça va houblon. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter. On va goûter. Pouah. Allez, folle. Oh. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai froid. J'ai soif. Allez, non, vous aussi, les gars. Alors, cette fois, je voudrais que ce soit Tocheux qui démarre. Ah, c'est moi qui démarre? Oui, parce que malheureusement, Tocheux, l'épisode précédent, était victime d'un sale attentat. Une certaine ségrégation. Ouais, j'ai eu une attaque de houblon. Sauteur. Alors. Mets ton téléphone, ça ne dérange pas. Non, mais je te remercie de ta sollicitude, c'est très bien. C'est une bière qu'on connaît déjà, puisqu'elle a été nommée dans le. Précédent épisode par Sophie Péremptoire. Enfin Sophie, hein, la grande Sophie. Hein, la grande Salut, Sophie. Sophie. C'est une IPA, c'est la Parisis Indial Pale Ale. Voilà, moi je l'avais prise uniquement parce que la semaine précédente de l'enregistrement de ce podcast, j'avais goûté la psychotique de la même brasserie justement. Que tu ne seras pas déçu. Je serais pas déçu, je sais pas. Mais j'ai quand même une petite envie de te faire confiance. Donc je vais juste te rappeler les règles d'usage pour ceux qui attraperaient cet épisode-là en cours. c'est que c'est du... ça participe au programme de recyclage, c'est que c'est interdit pour la petite dame qui a un petit polychinal dans le tiroir. Et pourquoi pas un gros? Et pourquoi pas un gros? Ça soit, on a plusieurs. Je sais pas, si c'est un petit, c'est que c'est toi, si c'est un gros, c'est que c'est moi. Voilà. Oh. Et après, c'est compatible avec la Toshio mobile, apparemment, parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Et le temps que je m'ouvre ça et que je me le verse, je vais... ouais, je vais laisser mon décapsuleur... attention, estampillé NHL, donc suivez bien, des Tampa Bay Lightning à Monsieur Noé. Eh bien, merci. C'est avec plaisir que je prends les Tampa Bay Lightning de Lightning. NHL. Lightning. L'éclair. Bah moi, j'ai pris une petite Delta IPA. Alors, c'est du BBP, c'est le Bruxelles Beer Project, une fois. Elle a été co-créatée en 2013, quand même, faut le savoir. Elle fait était quoi? Co-created, il y a marqué co-created. Heureusement qu'elle n'a pas été crafted. Crafted. Ni même brewed. Hein. Ouais, ouais. Breved. Breved. Breved des collèges. Elle fait 6,5 degrés en volume d'alcool. L'IBU est de 45 et l'EBC est de 18. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. alors le grain, il est 100% barley malt, bon, en gros c'est du malt hein, à 100%. Le yeast, il est Belgian Season Crisp and Dry. Ça veut dire quoi, yeast? Il y a des céréales. Ouais, on, c'est, bah, c'est de la céréale de toute façon. Ouais, des céréales. Et le hops, il est Challenger, Smart, Citra et Fruity Exotic. En gros, il y a des notes. En gros, c'est une IPA assez classique, ouais, mais apparemment elle est relativement bonne. C'est du malt de l'orge, et voilà. Surtout du malt et de l'orge, c'est bon en hops, en hops. Challenger, Smart, Citra, Citra est pas mal. Fruity Exotic Notes. Citra, je suis pas fan. C'est bon pour les nanas qui ont un petit polychinelle dans le tiroir. Enfin, c'est pas ah, c'est bon, bon. Non, non, c'est pas bon. Ah, bien, pour les fois, j'ai le suspect. Fallait prendre la Brewdog Et comment dire, je pense qu'elle est recyclable, puisqu'il y a des flèches qui se suivent un peu comme le Human Centipede derrière. Donc voilà. Et ils sont trois, donc comme le premier film. Le premier film, peut-être, c'est le rond du milieu qui filme. Est-ce que je continue de faire passer ton décap? Ah, mais tu peux, moi c'est toujours plaisir. Hein, bien partagé. Je passe le décap de NHL à Asto. Mince, putain, j'arrive pas à ouvrir ma bière avec ça. Asto, tu l'as terminé cette bière aussi. Ce que tu fais, c'est que tu prends celui qui marche bien. Mais après, t'es pas un vrai gars, c'est tout, c'est pas grave. Alors, moi j'ai une bière au titre. Évocateur. Équivoque. Ah. Puisqu'elle s'appelle Rest in Peace. Ah, toujours bien. Un bout dedans. Voilà. Et je pense que ça va être à peu près mon état à la fin de cet épisode. Non, quand même puisqu'elle pas. Puisqu'elle est à 10-1 quand même. Je te prêterai le saut. Je suis gentil, je te prêterai le saut. Salut Randall. Donc c'est la Rest in Peace du crew République. Donc du crew républicain. Ah, c'est pour ça que tu as par le avec le crew République. Avec des beaux morceaux de chrétienté dedans. C'est la Barley Wine. Une bière allemande, je pourrais pas vous dire ce qui est écrit au dos puisque c'est écrit en allemand et que je ne lis pas l'allemand, tout ce que je peux vous dire. Apparemment, tu as du testi en haut, tu vois. Ah oui, j'avais pas vu. Le testi. Oui, visiblement, elle est allemande. Alors, amène son Ness. Le taste-o-meter. Ah, voilà. Ah, d'accord. Donc, en color, elle est à 3 sur 5. En hopeness, elle est à 2 sur 5. En... bitterness, elle est à 3 sur 5. Bitternut, elle est assez amère. See oh, putain, ouais. You in the bitterness. Maltness, 5 sur 5. Et awesomeness, 5 sur 5. Ah, alors, c'est ma note. Ça, c'est vraiment du pignolage de bière. C'est genre, nous, on est 5 sur 5 parce qu'on est con. On est à 10. Voilà. Un peu, Ah, tu vois que t'as réussi à l'ouvrir. On va verser ça. Mauvaise langue. Attention. Mauvaise langue, mauvaise langue. Putain, c'est bon, quand même, par contre. Ouais, elle mérite son 3 sur 5 en couleur. Hop là. Oh, même la mousse, elle est... Ah, elle est cool, la mousse. Ça change pas trop de la couleur de la bière précédente. C'est une très belle chose que tu nous as servi, là. Bah, du coup, je vais te passer le décap. Je tiens à dire toute l'affection que j'ai pour cette meilleure rubrique de l'émission, qui est de décapsuler des bières. Est-ce que ça vaut l'ouverture de cadeau de la DC? Ah bah, attends, on va... On a des chocobons. Du coup, des VIC, c'est je moins sais que c'est une bière, enfin une marque qui est assez chère à ce cher Gandalf. Oui. Je lui ai demandé de me conseiller une Corsen donc. Et au détour d'une caisse de chez B&B, il m'a dit « Prends la Gold Triple, c'est très bon. » Du coup, j'ai pris ça et je viens de... En fait, j'étais un piètre aimé jaquet, je me suis rendu compte... Un piètre stratège, tu vois. Je me suis rendu compte que c'est une bière à 9,7. j'avais prévenu. Pour ce dernier enregistrement, ça va être un petit peu compliqué, étant donné tout le Nika qu'il y a eu avant, et puis voilà. Tout le Nika, il y a eu deux fonds de verre. Ouais, bah, et puis Asto, il m'a fait « Fais gaffe, prends la plus forte pour la fin. » Bon, j'ai écouté. Les bons conseils de tonton Asto. Donc voilà, c'est une corsée de nom Gold Triple. Et puis après, bon, il y a plein de trucs écrits qui sont pas très intéressants. Elle sent toujours la chaux blanche de Namur. Voilà, ça a consommé avant 2020, mais bon. t'as bien raison. Ça devrait le faire. Et donc, je vais passer le décapsuleur à celui qui reste. Gandalf, je suis avec toi. Il présente en tant que son dernier. Ah oui, écoutez. Je pour une fois, l'enculerie. Je ne connaissais pas cette spécialité dans cette émission. Là, je peux dire que vraiment, on rigole plus, là, par contre. Non, on rigole plus. Au niveau de l'alcoolémie dans la bière, on rigole plus, c'est ça? Ah non, oui, aussi, déjà. Et ce qu'a pris le jeune homme, je. Jeune homme, là, je fais bisous, hein. Ah, mais t'as fini de servir? C'est bon. Ouais, ah non, ça arrive, mais. Tu as le décapsule là. Non, mais moi j'attendais que. Est-ce qu'il y a le saucisson qui est donc, oui, moi je décapsule, mais j'ai pas présenté. Donc, c'est collab Mikkeller, je sais plus qui, Crooked Moon d'IPA. Donc, qui D-P-A. Est une Imperial Indian Pale Ale. C'est danois ça, non? Ouais. Mikkeller. C'était pas une danoise ça? Possible. Ça a été fait par la brasserie Proffenbrauerei Belgium. Ouais, les trucs que t'as dans la bouche. C'est patate d'IA et. Ah, j'étais resté sur l'idée que c'était une danoise aussi. Mais c'est possible, hein. C'est Mikkeller donc. Mais on a juste bouteille. Si, la session précédente. On l'a eu au 10.2. C'est qui l'avait pris? C'est moi. C'est moi. Je crois que t'as fait la même réflexion. Ouais, c'est possible, oui. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça m'est resté en mémoire. Dans les cahuètes. Dans les cahuètes, et c'est très chouette. Oh, bah, moi, je viens directement rendre parce que l'enculerie, vous connaissez. Limite. L'enculerie n'a plus de limite. Ouais. Limitless. Limitless. Enculerie. À part l'horizon de ta bite. Horizon Zero Dawn. Ouais, Zero Dawn, oui. Autant dire que ça va pas. Recobel qui est sur le chat. Recobel et Randall. Tout le monde est remis sur le chat. Ça fait 5 minutes, hein. C'est bien d'avoir un public fidèle quand même. C'est vrai. Alors du coup, c'est du coup, mais j'attends qu'il finisse son servage. Non mais vas-y, parce qu'il faut que je mesure, parce qu'il y a du dépôt. Oui, il y a du dépôt. Oui, je me suis fait avoir là-dedans. Alors, vous le savez, hashtag épisode basé sur l'enculerie. Donc cette fois, j'ai entre mes mains... Fini, enchaîne vite, enchaîne très vite. Entre tes mains expertes. Enchaîne très très vite, s'il te plaît. Ma bite. Et non. C'est une. Mais non, la bite C'est une forte Wenger. Un petit brillant sur Ah, Wenger, ça me parle ça. Ouais, qu'on va l'appeler Arsène, cette bière. Ouais. Arsenal. C'est bon ça. Arsenal. Ah putain, j'avais jamais fait gaffe. Arsène, cette bière. Ouais. Et c'est une bière au pain d'épices. Ah, c'est une bière alsacienne. Très bien, c'est ça. C'est une bière. Oui, c'est ça. Elle a le du bon goût de papy brossard, donc c'est un goût un peu particulier. C'est ça. C'est parce qu'il a entraîné. On aime tous Morandi. Non, papy brossard. Non, Morandi. On avait une variante au collège. Alors, attention, la refermentation en bouteille provoque la formation naturelle d'une lie de levure. Toi, c'est ce que tu as. Une lie de l'humanité. Voilà. Qui est la garant. De la conservation et de la saveur de cette bière. Alors, ingrédients, bien évidemment. Bullshit. Oh, mal. Bure de bullshit. Ah, comment on dit bullshit en langue des signes? Ah, non, mais vas-y, continue. Ah, d'accord. C'est pas très bon. C'est mieux, merde. Sans moi. Donc, comme a dit mon ami Tocheux, c'est une bière alsacienne. Non. Et donc, on peut savourer l'Alsace. Regardez, il y a un petit logo, savourer l'Alsace. L'alsacienne qui fait de très bons biscuits. C'est ça. Et donc, elle est pure malt, non filtrée. À l'Eurovision, oui, voilà. Qui bat le beurre. Mmh. Ah, ta soeur? Et bat le beurre. C'est vrai, sur les genoux du c'était la ferme. Moi, j'avais une autre version, mais bon, ouais, c'est pas grave. Et sinon, grave. Elle est bien ta bière? Attendez, j'ai pas fini de lire. Non, elle est plus mal, non filtrée et non pasteurisée. Bon, une fois que tu réussis pas à finir dans ta partie, quand même. Il met 5 minutes à parler de sa bière alors qu'il va même pas la boire. En plus, ouais, c'est de l'enculerie. Bah oui, je l'avais dit, c'est une belle enculerie. Oui, mais ça, c'est du Reddit quand même, parce que moi, j'avais déjà fait ce genre de choses. C'est vrai que le running gag, là, il est moyen. Bah, tous les nouvelles fois, running gag. T'imagines, au bout de 3 mois, franchement. Ah oui, et ensuite, attends, mais il faut que je fasse le bruitage. Ah oui, bruitage. Allez, vas-y, on va bruiter. Allez, mon petit Rodriguez périfique. Attends, ah oui, toi. Attends. Rodriguez. Père. Et là, bruit de mousse alsacienne, vas-y. Bruit de mousse alsacienne. La fête entre amis. Oh, Cartoffel. Absolument. Et là, non, mais là, je pense que là, quand même, bon, je finis en curie, je pense que je vais quand même en prendre un peu. Ouh, attention, attention le bidou. Alors, vas-y. Attention le bidou, enfin, je vais en prendre un peu de celle-là quand même, parce que je sais que c'est du bon. Pour de vrai. Ah, parce que les autres, c'était de la merde. T'étais pas certain. Non, mais j'avais pas goûté les autres, je sais pas ce que c'est encore. Je sais pas ce que ça vaut, vous savez rien. Dangereusement. Donc là, c'est une bière artisanale aveyronnaise. Je l'avais déjà amené dans un épisode précédent, pardon. C'est de l'Aubrac. C'est une bière vivante blonde. C'est à servir frais. Et donc, cette bière blonde, légèrement trouble, non filtrée, non pasteurisée, elle aussi, est issue d'une double pénétration, fermentation, élaborée à partir d'eau, d'orge, aromatisée. C'est Non, mais là, il commence à reprendre des formes, donc il commence à être top shape, le mec, là. C'est bon. C'est bon, il est top shape. Ensemencé de levure. Ouais. Elle est brassée et embouteillée en Aubrac. Et donc, c'est la brasserie d'Olt. Et ça fait 5,8. Bon, bah. Goûtez, ah oui, on va compris les traditions de ce podcast. Allez, santé les poulets. Chiant, santé. Comme le dit si bien ma bouteille. Hein. Ah oui, Rest in peace. Ça fait 10 degrés, je confirme. Ouais. Allez bien. Bah, Par contre, c'est là, ouais. Tu as goûté ou quoi là? Et puis elle est vraiment drôle. Ouais. Nous, la Gold, elle avait été meilleure parce qu'on l'avait pris. Ils avaient l'impression. Ça sent tout ce que j'aime. Ça sent les. Ça sent les îles. La bouse de vache. Ça sent les îles. Ça sent la bouse de vache. Comme la blonde d'Aquitaine. Ah ouais, putain. Il y a des chiens. Ah, j'aurais dû prendre ça. Il y a des chiens. S'il y en a qui veulent goûter, elle est vraiment la Delta très bonne. Ouais. Je sais pas si vous connaissez déjà, mais. Et ça, la Delta, c'est donc comme tu disais, c'est un projet où il y a une collaboration entre deux brasseries, c'est ça? Moi, j'en avais goûté une la semaine dernière qui était. Je sais plus, j'ai plus exactement le nom. Et je m'étais fait la réflexion, et effectivement, c'était très très sympa. Je crois qu'il y a une gamme de 5 ou 6 bières en pro. Ouais, en création, chez B&B, là, il y en avait un goût d'IPA. Tu vas retrouver un goût d'IPA. C'est vraiment très très bien. La gold classique. On se goûte la bière tout de suite. Ouais, la bière. Non, bah, j'ai de l'IPA. Scott, j'ai une période IPA, je vais rien sentir. Vine. Ah oui, c'est sûr que celle-là. Ouais. Hein. Parce qu'elle a pas l'odeur d'une bière. On a failli avoir un accident. Bon courage. Ça fait voir. Oh la vache. Déjà, le soleil passe pas à travers. Ah putain, elle sent. C'est tout ce que je déteste dans une bière, c'est que c'est le goût du vin. Non, ça a goût de miel. Non, non. Enfin, ça sent le miel. Elle va être bonne, elle va être difficile. Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode? En plus, c'est une Stark beer. Non, je vais voir. Ouais, ça marche. Elle va s'envoler, elle va mettre son costume. Le logo avec la grenade. La rip, ouais. Elle est sympa. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt alcoolisée. Elle est plutôt pas mal. C'est le billet de la réunion. Ou mon petit gâteau. Monsieur, Hartung à la suite. Ah. Toi? C'est moi. Bah, c'est bon. Hein. Ah oui, mais c'est ton dossier sur le comic en France, c'est ça. C'est pas le dossier, c'est un quiz. Oh putain, ça existe. Ah, c'est un quiz en plus. Comic en France. Bah oui, j'ai fait mon dossier. J'ai imposé sur un. Vivement les spéciales Michel. Ouais. Ouais. Donc du coup, j'ai pissé sur les philosophes. On va se mettre sur le jingle et on va se quizer ça tout de suite. Mais mes écouteurs pour le jingle, ça c'est. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. donc il y a juste un... Je sais pas si sur le live il y a eu un problème de jingle, mais... Bon, ils sont morts. Le quiz, il va tout déchirer. Il y en a un qui est au PLS donc, à cause de Mondor. Donc... C'est ça. Mon quiz s'appelle le comique en France. Donc j'écris ça le comique QE, bien sûr. Et du coup, je vais vous parler de comics, bien sûr, en France. Putain, quel connard. Putain, je pensais qu'on allait parler de Dieudonné, moi. Randall confirme, le jingle a bien déconné. Ah, ouais, d'accord. Ça va être leur tour. On s'en fout, c'est la bine déconnée. Ou sinon, c'est peut-être le jingle palette aussi qui est un petit peu fatigué. Et que... C'est que oui, les jingles, c'est parce que bon, bah. Toute la journée à passer des jingle palettes. Alors, c'est un quiz en trois parties. Ah, oh putain. La première partie, ça va être chacun votre tour. Vous allez me citer une maison d'édition française qui a édité un jour du comics. Oh, française. Pour rappel, le comics, c'est de la BD américaine. Ouais, ok. Déjà chercher l'erreur. Large. Ouais, c'est pour dire large. Large. Mmh. Alors, je vais pas commencer par Gandalf parce que c'est un petit peu l'expert. On va dire. C'est... Voilà. Donc, on va commencer par Noé. Bah, tant mieux, parce que j'en avais pas beaucoup. Urban. Ouais. Bon, bah, c'est bon, j'ai plus rien. Bah, alors, moi. Ça va, on savait, je passe une bonne soirée. Et sinon, on est bien, là. Je sais pas. Tocheux, c'est dans l'ordre, pardon, j'ai pas dit... Dans l'ordre de l'ombre. Moi, je suis absolument pas... Non, je suis incapable de te le dire. Alors, c'est pour t'aider, un facile, comme ça, c'est... C'est un petit gâteau. J'en ai un. Macaron. C'est un petit sandwich. C'est ça. Non, mais de ton époque, c'est de mon époque, t'as qu'à dire que je suis un vieux con. Mais non, mais par rapport à... D'ailleurs, non, bonne réponse. Vieux, oui, con. Non, je vois pas. Non, honnêtement, je sais pas. Alors, tu collectionnais des petites images que tu Panini voulais, voilà. Panini. C'est aussi un pain. Qui kebab. Le Panini. Ouais. La Panini a fait des Panini Comics, c'est l'éditeur actuel de Marvel. Ils font les vignettes NHL aussi. C'est des Rital. Oui. Monsieur Pépé. Oh, bah, je pense qu'on a tout dit, hein. Non, mais il y en a une tétrachier, donc tu... Tétrachier Comics. Dis n'importe quoi. Vertigo Comics, une branche française par exemple. Ouais, mais non, ça marche pas. J'ai lu. Ah bah voilà, je ferme ma gueule. Attends. J'ai lu. Je sais pas, ils ont peut-être. Presque. Tu bouquins de poche, je sais pas. Des trucs avec des zombies qui marchent. C'est Walking Dead. Ouais. En Achète. Français. Achète. Achète, oui, Achète exactement. Comics, c'est pas eux, voilà. Mais ça marche. Ouais, je sais, mais ça m'est. Achète, oui. Bah si, mais non, ça a été racheté par Hachette. Achète les comics. Achète ton disque, tu le trouveras au rayon charcuterie. C'est un peu cet épisode parce que... C'est dans quoi déjà ça? Ça c'est dans c'est la parodie de Bernard Minis. Ah c'est ça. Asto. Tu le trouveras au rayon charcuterie. Je sais pas, chez Delcourt au soleil. Mais oui. Delcourt hein. Pour voilà. Walking Dead. Ah mais Soleil exactement. Aussi, ok. Mais non, Soleil c'est Bougela là. Delcourt oui, Soleil. Mais non, c'est Del Sol en fait. C'est Del Sol. Je pense qu'il a Soleil Sol. Ça a fusionné mais. Tu vois, j'en étais pas sûr. Bon allez, tape dans le dur. Enfin dans. Ouais bah lui de toute façon il tape dans ce qu'il veut. Non. Il tape dans ce qu'il veut bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me tape dans ce qu'il veut bien. Bon petit Glénat. Ouais c'est. Allez. C'est gentil. Oui non mais j'en garde un peu sur là. Petit Glénat tu. Un petit, ouais. On m'appelle deux. Trois. Allez, trois. Sur mon Ardennes. Noé. Trois petits Glénats. Putain, ça commence à devenir. Il y en a qui ont été dit, hein. Ils ont pas été utilisés. Dans ta comics. Lombard, ils n'ont pas édité des comics. Je vais te dire ça. Le Lombard, exactement. Et ben voilà. Ton jeu. Attends, je cherche. Il shoot à mise. Ouais, non, mais Shootan est un très bon exemple. Hein. Arrêtez de dévoler les exemples. C'est bon, j'ai. Mais j'en sais rien. Honnêtement, même en le lisant, je saurais pas te le dire. Les quatre mères. Tu regardes sur la page Wikipédia. En même temps que nous. Non, mais j'ai une liste de maisons d'édition. Non, je n'ai pas les quatre mères. Non, mais je sais pas. Honnêtement, les gens quatre mères. C'est pas mon truc, mais je veux bien essayer. Bayard. Les éditions Bayard. BD. Avec le chevalier. Bayard, ils font pas de. Ils font des livres. Ils font des romans. Ah, ils font des trucs à la presse peut-être. Non. J'endors le son contre les ninjas ou des trucs comme ça. Non, mais ça... Oh, attends, je viens te prendre. Akuma. Ah, c'est mon triche, Aku. A-K-U-M-A. Non, mais honnêtement, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai pas non plus. Je sais vraiment pas tout. Je sais pas, y a pas une branche française de DC Comics, genre DC Comics France, un truc comme ça. Non, c'est. Mais c'est Urban. Ah, c'est Urban. Ils ont tout, presque tout le catalogue, je crois. Mais. Après, ça mais soleil, en France, il y a une branche qui s'est appelée quelque chose DC France. Marvel France aussi. Donc ça a existé. Donc c'est valide. DC France, d'accord. Il est d'éditer Johnny Hallyday. Ouais, et avec en guest Jean Dormesson. En France. Il n'y a pas en France. Non. Image, non. Tu pourras essayer d'en citer un autre si tu trouves. Franchement, pour t'aider. C'est une personne qui a deux cœurs et qui voyage dans une cabine bleue. Ah putain, oui, Achilleos. C'est un albion en plus. Oui. Celui qu'on fait, l'édition de. Comment ça s'appelle de celui qui avait repris des poules, le dessinateur. Il signe vachement bien en plus, là, quand ils avaient refait. Non. C'est drôle parce que moi j'ai compris la blague. C'est drôle parce que j'ai compris la blague. J'espère que les gens sur le chat auront compris. Celui qui dessine bien Deadpool, bah c'est Rob Liefeld, forcément. Un Randall, si t'es toujours là. Ouais. À toi de dire une maison d'édition. Ouais, je vais être un peu joueur, moi. J'ai Lug. Bah oui. Lug. Ouais. Oui. This guy Wonger. On a perdu Noé. Noé. À toi. Noé. Eh ben, très bonne question. Alors, facile, si t'as Luc, tu as normalement... Léa. Léa. Chewbacca. Chewbacca. Non. C'est quand tout le cas, ça fait... Non, tu as Luc. Tu as Luc et tu as l'autre qui commence par... F. Luger. C'est 3PO. C'est 3PO. En vrai, je m'y connais vraiment pas beaucoup en maison d'édition. Alors... Dis une maison d'édition qui fait de la BD française. En BD, t'as Glénat. Ah, j'en ai une. Le Lombard, comment dire, bah, Soleil, et tout ça, on a déjà dit. Non, on a dit Soleil, Soleil, on l'a dit. Dal Sol. Donc, Soleil, c'est valide. Soleil, avant de se faire racheter, Surfeur d'argent, Tarzan, Conan. Franchement, moi j'avoue que Soleil, je connaissais juste pour les Lanfeust et les compagnies. Non, mais ils ont sorti les 4 ils ont sorti les Joe Buscema, les Surfeurs d'argent, il y avait des Tarzan, il y avait des Conan par Joe Buscema aussi. C'est pas mal le truc. Bon, bah tant mieux. Mais c'est vrai, donc ça veut dire qu'en fait, il y a certaines maisons d'édition qui se cantonnent pas juste au. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont édité au moins une fois de la BD américaine. Qui c'est qui a édité une idée. Ouais, donc, péremptoire, c'est à toi. Les chroniques de la Lune Noire et tout le bordel. Dargo. Non, c'est Dargo, peut-être Dargo. Dargo, ils ont fait. Dargo, c'est valide. Ah ouais, on parle ou on parle pas là. Ils ont fait quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a les comics? Ah d'accord. Je vais mettre un paperback. Dans comics, c'est vraiment de la BD américaine. Ah oui, j'avais pas compris. C'est pas super héros, c'est de la BD. Ça change rien au problème, hein. Je suis pas super amateur de BD donc. Asto. Je vais tenter. Pornhub. Claire de Lune. Ah bah. Oula. Déjà en française. Albert non. Avec Bruce Willis. Bubu. Bubu, bah oui, Bubu. Gandalf. Artima. Artima, exactement, en coédition avec Aredi. Ah putain, tu m'en as gâché deux. Ah ben moi c'est sur la même ligne, donc c'est une coédition qu'ils ont fait tous les deux. Donc Noé. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est chiant ça. Mais oui. Alors pour aider, un truc j'en ai un français. Ouais. Mais c'est moi qui l'ai. C'est moi. Camembert. Bien du Nord. Mais non, Maroual. C'est moi qui l'ai. Ma bite. Mais c'est moi qu'on a dit. mais je t'aiderai après si tu veux. Montaidra. Bien du Nord. Charbon. Non, qui fait plutôt du jeu vidéo. Mais non, mais c'est moi qui l'ai. On avait dit que c'était moi. En Cana. En Cana, ouais. Ah bah c'est bon. Ils ont fait de la BD américaine en Cana. Ils ont fait. Ah, oui. Ils ont. Ah bon. J'en ai à côté, c'est la BD américaine. Mais De l'édition de BD américaine, d'accord, ok, je savais pas du tout. Monsieur Pépé. Bah c'est bon, bah je joue plus, hein. Je boude. Bah. T'as le seul. Est-ce que je peux t'en donner un facile Ah mais non, mais j'avais prévu qu'on soit à côté, donc c'est pour ça que j'avais. On a dit Lombard. Lombard, on a dit. Donne une maison d'édition française. Ouais, bah, à partir de là. Je sais pas. Comment ça s'appelle le truc pour les mecs qui sont à l'Académie française, la Liliade ou un truc comme ça? Liliade Comics, voilà. Ah, oui, mais c'est non, Liliade, mais... oui. Des, ouais, c'est des trucs connus quoi, bah, quoi t'as bah quoi t'as c'est connu les gars, je suis désolé, de culture, ça a jamais tué personne. Casterman. Casterman, putain, Casterman. Casterman, ah, c'est quoi ce jeu, ça, Casterman? Oui, c'est ça, hein. Il y est pas, il me dit un truc et c'est pas dans la liste. Si, si, il est dans la liste, bah si, j'ai télé. Non, Astro, t'as pas répondu à la prochaine. Astro, parce que il est à 10 degrés, donc il a déclaré forfait. Quoi ton dossier, hein. Marvel France, tout simplement. Putain, j'ai eu peur. Oh, oui, mais j'avais compris. Oui. Oh, mais il est malin. Panini Comics, moi. J'ai Marvel Comics, c'est Marvel Ultimate. Il a pas bu une goutte d'alcool, mais je vous rappelle. Il a pas bu juste en prévision de ce jeu. Voilà. C'est Comics, tu vois. Ok, on est. Bah, moi je suis toujours au même point que tout à l'heure. Hein. Alors, si t'en as pas, je peux t'aider à en trouver un. C'est la branche comics de Brajlon. Oh. Oui, mais j'ai putain, Brajlon, putain, j'étais en train de chercher Brajlon, quoi. Je suis pas sûr. Tout à l'heure, mais par contre, j'ai pas. Et y a pas un DC France, hein, la branche comics de Brajlon France. Qui a fait par exemple Lock and Key? Ah oui, putain, oui, je suis pas sûr, ça, je crois avoir le nom, mais je suis pas sûr parce qu'ils ont plusieurs, ils ont plein de branches en fait. Oui. Ah, c'est pas Brajlon, c'est Brajlon. Et White Horse, ils ont pas une division française? Dark Horse. Dark Horse. Il y a bien Dark Horse France, exactement, il y est dedans, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Je confirme, il est dedans. Putain, j'ai dit Image tout à l'heure, j'hésitais entre Image et Dark Horse. Putain, j'ai l'impression d'être sur un autre planète, enfin, je pipe rien à ce qu'on se dit. Bah en fait, juste pour savoir si par rapport à Brajlon, c'est ça, parce que j'ai deux idées en fait. Vas-y, dis. C'était pas Milady? Milady, si, exactement. Ah bah c'est bon, Randall, il l'a mis dans le chat. Oui, exact. Ah bah je peux dire une autre alors. Mais non, je pense que Pépé, bah, garde-le pour après, parce que je pense que Pépé, je pourrais pas l'avoir. Je pense pas qu'il va y être un mentaliste, mais au moins qu'il book. Hein? Au moins qu'il book. Ah, au Maquet, non, je l'ai pas. Il est censé y être parce qu'ils ont sorti le comics de... Au Maquet, c'est pas la version japonaise de Ozone? Genre des trucs, je pense. Au Maquet. Ah, mais ça triche en plus. Ah, mais je suis éliminé. Noé. C'est à remoi déjà. Alors, si tu veux, il y en a un qui a été donné tout à l'heure par Gandalf dans son point dans la carte blanche. Ouais. Ah putain, ouais, non, ça remonte à trop loin. Ah, mais j'ai pas suivi. Ça remonte à trop loin. Ah, c'est trop loin ça. Bah, ouais, j'ai pas cette mémoire exponentielle. Alors, on va essayer d'en trouver un. Attends, je réfléchis à fond. C'est quoi la société qui est le comics social incassable et tout ça là? C'est Delcourt. C'est Delcourt. C'est déjà été donné. Soud. Non, sincèrement, je fais un suicide de jeu, mais non, j'ai plus là. La taille, ça ne te dit rien. Tu l'as pas? Non. Même pas, hein, dis un truc, ouais. Même une maison d'édition. Une maison d'édition française. Généralement, en France, il n'y en a pas 50. Mais dans les j'ai lus, parce que je sais qu'il y a des mangas. Je regarde dans tes J'ai lu, si, je l'ai, j'ai lu. Il faisait des mangas et. Oui, je l'ai. Ah, c'est dans la liste. Donc c'est Captain Tsubasa. Tu es safe. Et voilà, Léna a déjà donné. Et quel est le dernier faisait? Bah, je suis pas sûr, là, je veux des trucs, mais peut-être qu'ils ont fait des comics. Kana. Kana? Non, moi je suis perdu. Ah, Kana, exact. Je peux avoir ma bière. Moi j'en avais un sur le coup. Néophélis. Mais... Hein? Néophélis. Néo. C'est là où j'ai acheté les. Néophélis, c'est là où j'ai acheté le. N-E? N-E-O-F-E-L. Non, je l'ai pas dans ma liste. Et pourtant, ils ont sorti il n'y a pas longtemps un truc sur Steve. T'as envie de faire ton crâne. Néophéliste, oui, je l'ai. C'est bon. C'est juste qu'il ne m'a pas pris le. Non, c'est Néophélis. C'est pour ça. C'est pas Néo. Monsieur Noé. C'est un duel, là. Le duel. Oui. Le duel. Non, sincèrement, j'ai pas. De toute façon, je peux que m'incliner, ça veut juste faire un duel pour des prunes contre le maître. Je vais t'aider contre Gandalf là-dessus. Est-ce que tu t'y connais un petit peu en BD française, les maisons d'édition? Mais je crois que je vous ai tout dit ce que je connaissais là. À part Albert René qui reste, mais je suis pas sûr. René Château Vidéo. Quoique Astérix, le ciel leur est tombé sur la tête, ça parle un peu de comics quand même. C'est les comics contre les mangas. Non, ouais. Je l'ai pas de. Et tout ça pour faire du caca. Ouais. Du caca. Non, j'ai rien en alibi. Hein. Non mais moi. Ouais, d'ailleurs, t'as son bonjour. Je ne peux que m'incliner devant tant de maîtrise. Si tu nous écoutes là-haut, Albert. Oh mais non, mais tu dois bien en avoir un. La maison d'édition qui édite les Simpsons en France. Oh, Disney. Putain. Ça a été racheté, maintenant c'est Disney. Hein. Non, en France. La Fox. Non, merde. En France. Non, je. C'est, ouais, je est-ce que c'est Welcome to. Welcome to the. Jungle. Welcome to the jungle. Non, c'est Jungle. Ok. La maison d'édition. Non, bah bravo. Spécialiste devant. Bon, bah, il y a Delirium. Devant l'Éternel. Delirium, Bliss Comics, Bamboo. C'est un Bliss au nom de Bamboo, je connais. Mais oui, bon, bah, t'aurais pu dire. Bamboo, ouais. J'ai ici 6 pieds sous terre, enfin, il y en a une tétrachier, j'ai une liste de 40. Et encore, il y a des vieux, quoi, on s'en rappelle plus comment on va arriver. Et donc, pour Lug, c'était Semic. Semic France. Semic. Mais avant que ça retourne chez Marvel, j'ai pas la référence. Non, mais c'est Lux et Mix, c'est enfin les maisons d'édition qui éditaient les premières, les Titans, les Nova et les Strange. C'était Lux, c'est ouais, c'était Lux. D'accord. Après, il y avait du. Non, mais je l'ai Bambou, c'est de la merde. Bambou, c'est de la merde. Ah, c'est Randall qui dit ça. Oui, non, mais Bambou, c'est de la merde. Il y avait Flammarion aussi qui a fait. Oui, bah oui, on va s'en douter. Donc, ça, c'était la. Première partie du quiz et que j'affiche maintenant la deuxième partie si Google Chrome veut bien m'afficher la page Wikipédia. Non, de où j'ai mis mes questions, mais il recharge. Sa page où il a mis son copier-coller. Ouais, de Wikipédia, exactement. Alors, comment se situe. Alors, pareil, vous allez me dire à tour de rôle. Non, le nom va faire ça au premier qui a dit et j'ai noté les points. Le qui a dit. C'est le qui est qui. Ah oh. Alors, vous levez la main. Ouais. Mm-hmm. Oh, c'est parce que c'est du rapide. C'est... Attention. Okay. Levez la main sur le chat. Hein. Bruce Wayne. Et c'est quoi la question. Ah d'accord, c'est ça qu'il faut dire. Faut dire c'est un qui est qui. Donc je te donne. Ah oui, pardon. Non, ok. Un nom. Excusez-moi. Et tu donnes soit le pseudonyme ou... Ok, d'accord. Non, c'est le qui. Donc je te dis Bruce Wayne, tu me dis Batman. Je dis Batman, tu me dis Bruce Wayne. Ok. Non, fallait expliquer avant, ça aurait été bien. Bah, le qui est qui. Qui est qui. Oui, bah, si tu fais ça sans mariage jardi aussi... Voilà. Et sans Pépita. Je vais laisser jouer un peu. Pépita. Attention, Captain America. Steve Rogers. Pépé, ouais. Le faucon. Spider-Man. Noé. Peter Parker. Oui. Miles Morales. Ah oui, après ça dépend. Non, lui, il va être parce qu'il va amener chez lui. Non, mais il joue pas. Non, il joue pas. Lui, il boit pas, il joue pas. Voilà, comme ça. Superman. Pépé. Peter Parker. Non, après, j'ai pas du quoi. Mais non, mais j'en peux un Peter Parker. Non, mais c'est ça. Allez, c'est les deux. Mais non, Scott Summers. Cyclope. Ouais. Putain, mais c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Scott Summers. Attention. Putain, c'est quoi le nom de Cyclope? Vous êtes prêts? Green Arrow. Oh, je sais pas. Pépé. Bah, c'est Oliver Queen. Oui, c'est ça. Ouais, je suis un expert. Ouais, Arrow, j'ai Arrow, je regarde ça tous les jours. Attention. Flash. Normal. Franchement, il a levé la main. Parce qu'il y a Barry Allen, il y a qui encore là? Il y a Alan. Non, Barry Allen. Il y a Wally West. Wally West. Oui. Ouais, il y a aussi. T'as vu la technique, c'est de faire ça en fait. Eh ben oui, en fait, ça relaxe les épaules. Attention, Superman. Clark Kent. Peter Parker. Il a dit Peter Parker. Oui, mais je sais pas, j'ai sorti comme ça, mais en fait. Là, je sais pas si vous avez trouvé. Attention, Marvel Girl. Ah, donc, son nom, son patron. Jessica Jones. Non. Ah, comment ça Marvel Girl. Mais j'ai une bombe, c'est Marvel Girl. Faut son patronyme. Je sais même pas de quoi on parle. Je savais que tu peux jouer si tu l'as. Mais... Non, Marvel Girl. Shazam. Non. Alors, Marvel. Wonder Woman. Non. Bah non, c'est Wonder Woman, c'est déjà son. On passe entre Miss Marvel, Captain Marvel. Bah j'ai dit. Non, là c'est vraiment Marvel Girl. Capitaine. Ah, mais Marvel Girl, mais c'est dans X-Men, c'est. Comment elle s'appelle? Ah oui, mais d'accord. Ouais, la rousse, la merde. Oui. Je l'ai, mais j'ai pas triché. C'est Jean Grey. Ouais, Jean Grey, voilà. Ah, c'est, je donne c'est le point quand même. Oui, c'est vrai que son nom s'appelle Jean Grey. Je savais pas qu'il avait un nom. Non, c'est son premier nom d'Alix Men. C'est son premier nom. J'ai googlé le truc. Ou sinon, c'est le phénix ou le phénix noir ou. On l'appelle pas. Le phénix Renoir. On la siffle. Attention. Oh, Renoir. Eh, Renoir. Le fauve. Ah non, je l'ai pas. Non. Si, je l'ai. C'est le frère de. Putain, non, je l'ai. Moi, je l'ai. Le monsieur bleu. Ouais, c'est le monsieur bleu. Le monsieur bleu ou pas? Le scientifique bleu. Ou pas non, Asto le scientifique double. Docteur Manhattan. Non, c'est dans Watchmen ça. C'est aussi un X-Men. Watchmen. C'est un X-Men. C'est aussi un X-Men le faux. C'est le mec tout. Docteur Manhattan, c'est le mec tout poilu. Watchmen. Mais là, le faux, c'est un X-Men. C'est le mec tout poilu, tout bleu. Moi, je suis X-Men. Putain, je suis vraiment pas. Non, je connais pas le vécu. Alors, je connais pas le. Je compte le poilu tout bleu. Je sais plus comment il s'appelle. Et tu génères. Et sinon, c'est Hank Pym. Ant-Man. Ant-Man. Non, c'est dans Ant-Man, ça. C'est Henry Michael. Ah oui. Ah, Michael, oui. Alors là, j'avais pas du tout. Ah non, Ant-Man, c'est Ant-Man. Putain, mais c'est un bombardier, alors. Bombardier, parle de bombardier. Canadien. C'est la dernière commande. Parle de bombardier, les gars. Attention, Wonder Woman. Ah, mais... Gal Gadot. Gal Gadot, c'est ça, Gal Gadot. Linda Gray, Miss. Non, mais c'est non, le son nom civil. Et Diana. Bien, Diana. Prince. Ah, ça, c'est que dans la série télé. Moi, j'étais sur l'actrice. Oui. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si elle pas son nom de famille. Sinon, mais sinon, c'est dans le comics, on l'appelle que Diana. Ah, d'accord. Je pensais que. Diana. Eh, spoil, elle finit sous un pont. Sous un pilier. Jean Grey avait 50 nuances. Pourquoi je suis retourné sur ce chat? Franchement. Attention, rapidité. Un petit bim, la déception. Ouais. Ouais, tu m'as parlé. David Banner, c'est lui. Non, Jérôme c'est le Banner. Eh, on va pas insulter les Havrais, les gars. Hein, parce que sinon, je suis capable de me mettre en rogne. Tu veux devenir tout vert. Alors là, tu as un handicap. Ah, j'ai un handicap. Oui. Ah bah, il plus, a un handicap encore parce qu'il l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il a déjà? Ah oui, bon, bim. Un bim. Non, Miles Morales. Ah, Morales. Mais du coup, c'est dans le reboot de l'univers. Ouais, il est terrible, ça. C'est dans le reboot de Marvel. Alors, oui, il était à l'origine dans le reboot, mais il est incorporé là dans les histoires classiques. Ouais, c'est celui qui est un peu. C'est latino. Le Spider-Man noir. Ouais, ouais, il est noir, mais hispano. Oui, ouais. Il est mexicain, quoi. Hispano et mexicain, mais voilà. Mais c'est le Spider-Man noir. Son costume est noir. Il fait du Mexican food. Petit aparté, vous avez vu la bande-annonce du film, ouais, qui a l'air incroyable. Oui, j'ai pas regardé. Ah oui, c'est David Banner dans la série. Oui, c'est David Banner. Oui, David Banner dans la série. Dans la série, Bruce dans la BD et David dans la série. Parce que Bruce, ça fait trop pédé. Bon, en même temps, quand tu le vois dans la série, franchement, il fait pas super viril. Lou Ferrigno. Ah oui. Alors, Lou Ferrigno que tu retrouves dans un documentaire sur Netflix avec Schwarzenegger, c'est Iron Man. Un truc comme ça, ouais. Il parle de bodybuilding, tu vois l'arrivée de Schwarzenegger aux États-Unis et qui veut travailler pour le. Ah, ça m'intéresse. On sait tout. Oh merde. Et où il te montre l'épopée de Schwarzenegger pour devenir Mister Univers et tu vois Lou Ferrigno à l'époque, putain, mais c'est. En fait, c'est un gringalet à côté de ce qu'il est vraiment représenté dans Hulk, quoi. C'est hallucinant et tu vois la bourre qui se tire, les mecs. Ça m'étonne pas qu'ils soient tous un peu effondrés. Voilà. Donc là, ça va être rapide aussi. Ah, Gandalf approuve. Iron Man. Tony Stark. Anthony. Elon Musk. C'est vrai que c'est un demi-point que Tony Stark. Je peux avoir un demi-point, histoire de pas être Fanny. Merci. Mais là, si tu veux, je te donne la priorité. Il l'a dit tout à l'heure. Ant-Pim. Ant-Man. J'ai pas Entendu. J'ai même pas entendu. Ant-Pim. Voilà, c'est monté un point. C'est bon. Merci. Alors là, je sais pas si vous avez trouvé. On passe plutôt chez DC. Là, on était chez. On va chez DC. Tim Drake. Ouais. Robin. Ouais. Lequel? Ouais. Le deuxième, Robin ou Red Robin. Moi je suis dégoûté, il n'y a pas de frelon vert, il n'y a pas de. Non mais ça va pas. Il n'y a pas de Sato, non c'est. Non mais. Franchement les années 70 ont été complètement bafouées. Alors là tu vas pas forcément trouver. parce que c'était un dessin animé qui était diffusé sur France 3. John Stewart. Green Lantern. Lève la main. Le Black. Bah, il peut pas, il a autre chose dedans. Cette blague. Oh, Zafeu, il a l'air de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça sent la raclette. Hein. Ah. Oh, putain, j'ai vu un Touraine Gami, mais non, c'est un Gamay. Des formations CVT. Il faut que j'arrête CVT, je pense. Alors là, ça va être un petit peu difficile. Aquaman. Musclor. Non. Un demi-point pour la réponse drôle comme un podren. Ouais, un demi-point. Aquaman. Pourquoi? C'est un super-héros, Aquaman? Oui. C'est nous, ça. C'est aussi. Aquaman, ce soir, c'est... C'est Gandalf. Mais je suis arrête. Aujourd'hui, c'est Gandalf. Ouais, elle est tellement bien sortie, celle-là. Oh, personne non. Non, bah non, non, franchement. En même temps, c'était difficile, c'était Arthur Curry. Ah, j'aurais pas je crois qu'il allait dire Arthur Froment. Mais je crois qu'on le nomme quasiment jamais en fait. C'est son pouvoir. Là, ça peut aller rapide. Deadpool. Je sais pas. Eh ben non. Ouais, bah, Wade Wilson. J'ai un trou de mémoire. Ouais, ouais j'aurais dit Wade Wilson aussi, mais j'ai un trou de mémoire. Putain, comment il s'appelle déjà? Oui, c'est ça. Gandalf. Ah, c'est Wade Wilson. Gandalf. Okay. En fait, j'ai 80. Ah là ça va être difficile. Shazam. Shazam. Captain Marvel. Ah non, mais c'est vrai. C'est Shazam, Captain Marvel. Voilà. Or c'est Billy. Oui, Billy Baston. Voilà, Billy Baston. Putain mais ça sort d'où ça là, Billy Baston, moi. Ça c'est un nom de mec ça. Ouais, Billy Baston. Ah. Va chercher mon cuir. Ça va être difficile, mais là Randall il va pouvoir. Fais gaffe, moi je suis un kangourou. Regarde. Regarde ma bite. Regarde ma bite. Alors attention, Swamp Thing. Ah, Swamp Thing, oui. Ah putain, je l'avais. Moi je sais juste que c'était dessiné par Billy Figgleton. C'est dans Batman, non? Bah j'ai Mark Millar aussi, j'ai Mark Millar. Ouais, super bien. Ouais, il était cool. Alors c'est presque le nom d'un ancien président. Nicolas Sarkozy. Français. Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand. Pompidou. René Coty. Pompidou. Léon Blum. Non. Déjà, c'est Hollande. Hollande. Tom Hollande. Tom Hollande. Hollande et Tim Hollande. Fromage de. Jean-Jacques Hollande. Non. Et Alec. Alec Hollande. Hollande. Bah, non. Alec Hollande. Oui. Ça, mais là, c'est un petit peu dans les difficiles quand même. Moon Knight. Oui, oh, non, mais oui. Bah, Bruce Willis. Bruce Willis, oui, Claire de Lune. Ouais, ah, mais très bien, moi. Claire de Lune. Ouais, elle est touchée, un deuxième point. Parce que c'est... Mais je crois que honnêtement, c'est Pépé qui l'a dit avant moi. C'était Pépé. Il a débloqué, il a été vraiment à point. C'est Pépé qui l'a dit avant moi. Moon Knight, c'est Mark Spector. Cousin de Warren. Ouais, et de Phil. Animal Man. Là, c'est dans les difficiles. Animal Man. Ah, Manimal. Oh, non, c'est bon, comment dit. Jean-Pascal. My name is Jean-Pascal. Non, tu sais, moi, j'ai... Jean-Pascal. Donc, c'est Bernard Baker. Minet. Bernard Minet. Maintenant, c'est Bernard. Il y a un animal, c'est un Minet, donc le Minet, Bernard. Et il y a le Hard. Enfin, Bernard Baker. Jessica Jones. Bah non. Bah... Super bien. Ouais, bah non, j'aurais dit Jessica Jones, du coup. Ah... Ouais, quel est son nom de scène? Ah, c'est la chasseuse de vampires, je sais pas quoi. Je connais pas du coup. C'est... Non, c'est pas son pseudonyme. Son enfin, son nom de super-héros. Ouais, alors, je vais vous faire la question d'après et vous allez pouvoir répondre avec Jessica Jones. Luke Cage. Est-ce que je peux dire son vrai nom de super-héros? C'est Power Man. C'est Power Man. Power Man. Donc, Luke Cage, on revient. Luke Cage, c'est le gros blague. Power Woman. Jessica, voilà. Power Woman ou Jawel. Jawel. D'accord. Ouais, je pensais pas que ces personnages avaient un nom. Non, plutôt chouette, bah, tu vois. Et c'est eux, là, les quatre qu'on retrouve dans Defenders. C'est ça, ouais. Oui. Alors, juste un truc avant que je perde mon temps, est-ce que ça vaut le coup de le regarder? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Defenders, non. Apparemment, non, mais les systèmes d'accord. De guerre. Avec Iron Fist. Alors, Iron Fist et Defenders, tu peux zapper. Mais le reste, tu peux regarder. Alors Iron Fist, je l'avais regardé quand Randall, c'était sorti. Randall avait Jawel. Mais non, mais c'est, j'ai fait quasiment le quiz. Je vais faire le quiz à chaque fois. Donc, le Iron Fist, moi, j'ai pas trop mal aimé. Ouais, alors, mais c'est, en même temps, c'est de, juste de pour dire que je sais pas. Fait. Mais je trouve ça un peu bizarre. La fin m'a pas emballé. Quoi. Mais du coup, bon, bah, Defender, je vais passer alors. Donc, je trouve que tu prononces Jawel un peu comme Jawad. Jawad, c'est J-Will. Jawad, ça fait nom de terroriste. Donc là, on était sur du, on va dire plutôt difficile Marvel et DC. Là, on va aller dans du difficile Valiant. Ouais, bah c'est, putain, c'est pas la peine. Il y en a que deux. Bon, ah, c'était vraiment la fin pour la fin. Bloodshot. La cible. Deathstroke. Bloodshot. Non. Non, donc ça, c'est du Valiant. Bloodshot. La cible, c'est... Oui, mais c'est celui qui est dans Daredevil. Dans Daredevil, dans le film Daredevil. Ça, c'est Bullseye. Ça, c'est Deadshot. Ah, Bullseye. C'est Fly de Bullseye. Non, bah non, du coup, c'est... Non, mais du coup, je l'ai pas. Donc, c'est Raymond Garrison. Raymond. Putain, j'ai l'impression et de... Et le dernier de cette partie-là, Faith Ebert. Ah, ça, c'est... ça, oui, c'est le dernier... Toujours chez Valiant. Ouais, c'est le truc qui cherchait Beast Comics, ça. Ouais, je sais pas, il s'appelle... Pas le nom. C'était Zephyr. Là, c'était vraiment les deux. Les deux derniers qui étaient. Ouais, bah, Valiant, t'as peu de monde qui connaît. Connaît parce que c'est les, enfin, c'est de la nouvelle production de comics. Ouais, c'est en France, donc c'est. Ouais. En France, non, mais après, même aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était là, c'est, je sais plus, il y a 10 ans. C'est limite si tu prononces Jawad, ce nom. Oui, c'est. T'as pas un appart à louer ou un truc comme ça? Non, mais je savais pas. Ou des pizzas à chercher au Dominion du coup. Donc là, on arrive à la partie 3. Donc, c'est des questions un petit peu aléatoires sur le comics. Aléatoire. La première question, c'est quel est l'anniversaire de Panini Comics en 2017? Les 100 ans. 20 ans. 20 ans. Oui. Ah, Panini Comics, oui, d'accord. Parce que j'ai vu l'exposition au Toulouse Game Show. On a dit que c'était pour les 20 ans. Bien joué. Ah oui, mais c'est Panini Comics. Ah, mais ça, faut écouter vos émissions. De merde. Non, pas forcément. Rajoute de merde. De merde. Voilà. Ah. De merde 2. De UH. Alors, t'as un handicap? Bien sûr. Attends. Sur ces îles. Enfin, au bout d'un moment, franchement, atrophié. Il va finir dans une mallette, le garçon. Atrophié pour le dire. Chez qui a été édité Freak Squeals? Non. Valiant. Ah, t'es mignon. C'est français. C'est purement français. J'aime quand tu me fais des petits cadeaux comme ça. Tu me fais des petites attentions. Darbo. C'est un Arkham Comics. Non, c'est purement français. Darbo. Glenna. Le Lombard. C'est purement dans le Nord. Oh, c'est un Kama. Quand même. Mais il y a Randall l'avait. Oui. Bon, en fait, il m'aurait dit avec le lag, il l'a eu avant nous quand même. Donc, Bon, bah, moi j'avais de suite. Hein. C'est une... Tiens, tout ce que je prends le. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est tu prends pas l'eau. Oui, mais toi ça vient toujours très vite. Alors là, c'est une question. Oui, mais dans un monde où tout va plus vite, je suis en avance. Oui, mais dans un monde où tout va à la vitesse normale, t'es toujours trop tôt. Je sais pas. Alors là, c'est une question en chair. Vous allez donner le plus de personnes que vous connaissez. Non, par exemple, je vais vous poser une question, vous allez me dire deux ou trois, et c'est sûr qu'elle a le meilleur. Mais de quoi? Ouais, mais sur quel. Et donc, la question, c'est citez-moi tous les Robin, donc les sidekicks de Batman. Zéro chez moi. J'annonce zéro. Noé, qui dit mieux? J'en ai deux. J'en ai un. Ouais, mais moi, j'ai toujours problème avec les noms. Je pourrais en faire 4 ou 5. Je peux déjà que dire des Robins différentes. Genre j'en ai deux. Ah si, j'en ai. Robin 2, allez. Compte, tu dis rien. Moi, j'en donnerai un pour voir si les gens ils nous donnent. Je mène un. Allez, un petit un. Tu donnes juste un petit un? Ouais, parce que les autres, je m'en fais plus long. Donc on a deux. J'en ai un. Deuxième, je suis pas sûr. Donc vas-y, il y a deux. T'as. Bah, Tim Drake. Oui. Et Todd, comment il s'appelle? Le Jason Todd. Jason Todd. Voilà. Exactement. Donc on a ces deux-là. Celui du Batman où il y a George Clooney, c'est lequel? Ça va sur les films, les films avec Schumacher. Ou c'est dans un cirque. Qui veut un peu de Schumacher. Oui, c'est. Oui. Donc, tu peux le donner, il n'a pas été donné celui-là. Mais je m'en souviens. C'est le tout premier Robin. C'est pas Fergus. Ah ouais, non. C'est lui qui meurt dans le deuxième. J'ai écouté, ouais. Mais est-ce que le Teen Titan ça compte? Oui. C'est un Batman. C'est un Robin. C'est Jason Todd. Non, je sais pas, non, j'en ai pas. Le premier. Le premier, celui que tu penses, il fait du cirque et il fait du la. Parce qu'on a dit Tim Drake. Jason Todd et Tim Drake. Ouais. Comme OSS 117. Moi, je peux en dire un autre. C'est pas en meurt, je crois. Vas-y. Damien Wayne. Damian Wayne, qui est le fils de Bruce. De Bruce Wayne et de. La fille de Ra's al Ghul. Oui, ouais, avec Talia Ghul. Putain, mais ça s'arrose. Elle est où la tequila? Ensuite, il a tout bu. Il a tout bu. La tequila, tout, non. Le non, tout, tout premier Robin, qui est. Mais Dick. C'est pas. Le chinois. Dick Grayson. Dick Grayson. Chier. Je cherchais depuis tout à l'heure. Ensuite, on a deux Robin. Oui. Ah ouais? Oui, oui. Elles étaient bonnes? Ah, il y a celle qui a Dark Knight Return. Oui. Qui est. J'ai plus le nom. Je sais qu'elle joue court, c'est une rookie. Oui. Il y a des Robin Hood. Il y a des Robin. Ah ouais. Donc il y a Stephanie Brown. Mm-hmm. Okay. Et Kerry Kelly. Ah, c'est celle du. Donc je donne les points à monsieur Noé. Wouhou! Vous êtes trop fort, les mecs. Ouais. C'est que Dick Grayson, c'est de... oui, celui qui est devenu. C'est celui qui est devenu Nightwing. Nightwing. Ouais. Oh, ah ouais, putain, mais il y a beaucoup en plus. Beaucoup. Alors, ça a été dit tout à l'heure. Ça a été dit. Donc, t'as un petit handicap quand même. Chez qui a été édité The Walking Dead? Oh putain, mais oui, on l'a dit tout à l'heure. Delcourt. Bien joué, Pépé. C'est le plus gros vent, d'ailleurs, chez Delcourt. Oui. Ah ouais oui. Alors là, temps, vu le succès de la série. C'est une question plutôt pointue. Comme Gandalf. Quelle est la particularité de Tony Chou? Il voit des fantômes, c'est pas ça? Non. Il envoie des ballons de hand. Tony Chou. Non, c'est pas ça. Non. Je peux? C'est putain, oui. Tu peux. Cannibale. C'est un détective. Non. Enfin, il n'est pas cannibale, enfin, c'est pas sa particularité. Et c'est un espèce de détective ou un enquêteur qui retrace le parcours de ses victimes en mangeant. Ah putain, oui. Exactement, il est cibopathe. Ouais. Et cela veut dire qu'il peut croquer dans une pomme et savoir d'instinct dans quelle herbe il a été poussé, connaître la marque des pesticides utilisés ainsi que la date précise de sa récolte. Ou il pourrait manger un hamburger et expérimenter quelque chose d'entièrement différent. Je sais plus si c'est toi ou si c'est mon beau-frère qui m'en a parlé. Comment ça s'appelle ce que Tony Chou? Ça s'appelle Tony Chou. C'est pas le genre un peu dans le style de celui qui peut se déplacer d'une pièce à l'autre alors qu'il y a une porte dans la pièce. C'est un peu le même comics où le mec il a un pouvoir qui sert à rien. Bah là en fait. Parce que là il résout des enquêtes policières. Il résout des enquêtes mais en. Non, en bouffant des morceaux du cadavre. Là, je te donne son pouvoir. Il bouffe quelque chose. Non, moi, j'étais resté sur la pomme de Tony. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai plus d'explication. C'est pour savoir. Il y a un côté cannibale. Où il mange les victimes pour retracer en fait. Oui, mais c'est con parce que si mange les victimes, il n'y a plus de corps. S'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de crime. Bah si. Il mange pas. Il mange les morts. 80 kilos de barbac. Mais honnêtement, s'il a faim, à mon avis, une fois qu'il a commencé, tu te trouves, il je pense que tu l'arrêtes pas. Mais je te passerai le comics tout à l'heure pour que tu feuillettes, et franchement, c'est une très bonne BD. Ouais. Autant l'histoire que les dessins, que les éléments dans le décor. Ouais. Moi, je lisais à chaque fois, en plus, donc la case avec les bulles et l'histoire narrative, mais en plus, je m'arrêtais pour voir ce qui était noté dans le décor. Parce que c'est bourré d'éléments drôles, en fait, avec de tout petits détails. Question plutôt facile, si on s'y connaît un petit peu en fait. De quelle équipe fait partie Angel? Bah les X-Men. Ouais. Et? Ah bah je sais pas. Bah, tu me dis les X-Men, oui, bah je dis oui. Les chevaliers de Apocalypse aussi. Il fait partie des méchants en gros, c'est ça, non? Oui. Il n'a pas été du côté Magneto. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Si, ce que je dis, c'est les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Attends, c'est un des quatre côtés, les méchants de l'autre. Hein, je comprends plus. Les X-Men, c'est pas les gentils. Si, mais à un moment dans les X-Men, il y a eu Apocalypse qui arrivait, qui a récupéré les. Qui a fait quatre cavaliers de l'Apocalypse et qui a pioché un petit peu. Mais sinon, il a fait partie des Defenders aussi. Ouais. Alors là, c'est une question qui a été plus ou moins répondue tout à l'heure. Quel éditeur en France a édité les comics Doctor Who? Akileos, du coup. Ouais, et? Et ah oui, il y en a un autre, putain, c'était il y en avait un autre avant. Oui. Je l'ai pas. Doctor Who Records. Alors c'est. Je vous le dis en français, là, c'est une question de rapidité. Les yeux français. French Eyes. Ouais, pépé. Ah oui, c'est pas, il y en a pas une traduction. Les vieux, ils avaient pas été déjà tirés à l'époque, en français. Ceux qui étaient dessinés par David Gibbons. Tiens, tu me mets une mouchette franchise. Ouais, je vais le voir. Mais à l'époque, je sais pas s'ils avaient pas. On va aller goûter Lucie. C'est possible. Je sais que dessus, en tout cas, il y a Franchise, parce que j'ai le premier, et Achilleos qui fait les nouveaux. Et Randall qui a dit Buffy sur le chat, je pense qu'il parlait, c'était sur la question sur Angel peut-être. Ah oui, ouais, bien joué. Boreanaz. Ah ouais, ok. Boreanaz. Tout à l'heure, j'écoute le générique de Angel qui est très très bien. J'aimais bien celui de Buffy. Alors, je préfère celui d'Angel. C'était un Nerf. Entre Stargate et SG1 et Atlantis, Atlantis est bien mieux, je trouve. Au niveau de l'histoire ou du générique? Au niveau du générique. Ah oui. De la musique ou juste des images au générique du début, enfin la musique du générique. Oh, ah non, SG1 quand même. Mais ouais, mais c'était cheapos au bout d'un moment. Ah non, au bout de 10 ans, c'était cheapos. Ouais. Alors là, c'est une question un petit peu difficile, c'est la dernière de ce type-là. Ce type-là. C'était un éditeur français qui fait uniquement du comics. Urban. Uniquement du comics. Pardon, j'ai pas levé la main. Bliss et Bliss Comics. Qui fait que du Valiant. Tout le reste, Panini fait du manga. Oui. Dans Panini Manga. Mm-hmm. Bon, 3 francs. Ils font du manga. Ouais, enfin, quand ils arrivent à les sortir. Enfin, non, voilà, non, quand ils informent les gens qu'ils font du manga surtout. Parce que. Voilà, ça balance. Non, mais tu peux voir n'importe quoi. Ils sortent des trucs japonais sur du papier à chiottes. Niveau communication. Ouais, ils sont bons un peu. Ils sont les zéro absolu. Ah, et ouais. Là, on va arriver à la dernière partie de cette partie 3. En fait. Allez, c'est pété. Mais c'est une partie qui se joue sans Gandalf. Ah, merde. Parce qu'il va trop. Il va trouver assez facilement. Donc, je vais vous dire un personnage de comics. Mmh. Il va falloir me trouver la maison d'édition américaine. Ah, oh, putain. Oh, bah si. On connaît que 4 dans les maisons d'édition. Moi, j'en connais que 3. Moi, j'en connais pas. Donc, là, c'est rapidité, vous levez la main. Si, Marvel, toujours. Marvel DC, Dark Horse. Donc, non, mais Image. Je connais pas. Superman. Pépé, DC. Ouais. Détective Comics. C'est dur celui-là. Détective Comics. Catwoman. Oui. DC. Ouais. En fait, il y a deux choix, c'est ça? Non. Non, pas voilà. Forcément. Spider-Man. Marvel. Oui. Il est là. Ant-Man. Ah, j'ai un doute. C'était Noël. Non. Oui. Marvel. Oui. Là, c'est vraiment une question facile. Batman. Pépé ici. Oui. Aquaman. D'ici. Et de là-bas. Un petit peu plus dur. Et d'ailleurs. Swamp Things. Dark Horse. Non. DC. Voilà. Oui. Ah, c'est DC, putain. Oui. Je pense que c'était un truc différent. Ah, alors là. Au début, je crois qu'il était. Vous avez deux choix possibles. Oh. Mais vous allez pas connaître. Bon TMNNT. Angela. Marvel. Marvel, oui. À noter que c'est à moi. Ah oui, non, mais c'est les versions. Et il y avait Image avant. Ouais. Ouais. Pour ça. Oui, ça a été parce que t'aurais pu faire des trucs, t'aurais dit Batman et Superman, Batman et Spider-Man en français, à une époque, j'aurais pu répondre pas ni les deux. Oui, mais ouais. c'est purement américain. Ouais. Alors, j'aiguille un petit peu la réponse. Chris. On a parlé Chris tout à l'heure. C'est l'imposé. Ouais. Ah. Ah. Bah non, mais j'ai pas le nom des. D'ici alors. Non, non, pas d'ici. Non, c'était chez Urban. Alors, je pensais qu'Urban, ils étaient chez Urban DC, en fait, France, quoi. Mais aux États-Unis, c'est Image, Dark Horse. Non, c'est DC du coup. Non v. Ouais, moi je pensais que c'était non. DC, tu veux, que c'était Urban. V. C'est la branche un petit peu plus sérieuse de DC. Vertigo. Vertigo. Ouais. Mmh. Ben wesh. Ça reste DC, mais bravo. Alors, ça va être un petit peu compliqué, donc si tu peux jouer après s'il trouve pas. Tony Chou. C'est un jeu vidéo qui mange des pommes. Ah ouais, c'est celui qui bouffe des pommes là. Qui bouffe des pommes. D'accord. Je pense vraiment sur Chirac. DC, Marvel, Image ou Dark Horse. Manger des pommes. Moi je dirais IDW. Putain, IDW, oui. Pas du tout. Les lapins, c'est gentil. Alors pour aiguiller un petit peu. C'est meilleur avec de la moutarde. Oui. Asto l'a dit. Ah, mais ça fait partie des quatre. Alors, Dark Horse. Perdu. Ouais, c'était Image. C'était Image. Il y a plus chose à dire ou Value, tu vois. Non, c'est Image. Ah, tu m'as perdu. Et ensuite, alors, je vais vous donner le nom du personnage. Si vous ne trouvez pas, je vais vous donner le nom de la série. Ah, ok. En France. On va trouver le... Il faudra toujours trouver le nom de la maison. Il faut trouver le directeur de la production artistique. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut trouver le coloriste. Ah, bonne chance. Il faut trouver la compagne de l'auteur. Ouais, voilà. Rick Grimes. Bah, c'est Delcourt. Parce que c'est en France, Dead. Ouais. C'est Walking Dead. C'est ah oui, il faut aux États-Unis. Ah, ouais, ah oui, aux États-Unis. Oui. Ah, bah, Image, j'ai pas alors. Image. Désolé. Comment ça va entre les rennais là? C'est moche. Et c'était la dernière question. On applaudit. De ce quiz. Bravo. Très bon quiz. Très bon quiz. 1h10. Et ça, c'était la première rubrique de l'émission, on est d'accord. Ouais. Oui, oui. Et non, on va tous au lit. Ah non, c'est lit. On a un bus à quelle heure demain? Et donc, je vais décerner les prix, parce qu'il y avait des récompenses pour. Ah, c'est vrai, en plus. Oh là là, quelle enculerie. Oh là là. Juste que j'ai également zappé de prendre un cadeau thématique. J'espère que t'as gagné. Je vois que j'ai gagné, comme ça, on peut passer les trucs. Ouais, tu m'échanges ton Balthazar contre un Bounty? Ah, j'ai que des crocodiles. Ton Dove Caramel, tu m'échanges? Ton Dove Caramel. Ah, c'est trop bon, le Dove. Nous avons touché quand même avec 2 points. Oui. C'est pas mal. Je sais pas comment je l'ai fait, mais merci. Nous avons Gandalf avec 3 points. Ouais, mais en même temps, il était interdit. Il était interdit de jouer sur la moitié des jeux. Il était interdit de jeu, en fait, il n'y avait pas de droit à jouer sinon. Nous avons Asto avec 9 points. Qui est pas mal. Nous avons Noé avec 14 points. J'aurais dû faire la carte. C'est Pépé qui a niqué. LPP. LPP. Sophie. Appelez-moi Sophie. Histoire issue du journal de Spirou. C'est merci beaucoup pour les abonnés. Mignon, le vol du cochon maltais. C'est des petits strips. Et nous avons donc Pépé avec 19. Oula, il a niqué le game. Voilà. 14. 14 pour 17 et tu gagnes un numéro de Spirou. Ouais, ouais. Et moi j'ai regardé Marsupilami à Shabbat cette semaine. Et il est bien. Il est pas mal. Et t'as sûr avec eux? Ouais, il est pas mal. Pour un film d'Alain Shabbat, il est pas mal. Ouais, enfin il y a du Alain Shabbat, c'est sûr. C'est ça, voilà. Après, le film, j'ai pas trouvé bouffon. Alain Shabbat. Il paraît que c'est pas. Apparemment, c'est une merde, mais en même temps, moi j'adore Alain Shabbat, donc il faudrait que je le. Donc t'es prêt à bouffer de la merde uniquement parce que t'aimes bien quelqu'un? Tu mangerais ce qu'il y a dans le Shabbat en fait. Ouais. Alors, il est correct, il y a des bons. C'est triste. En fait, t'es le John McAfee français quoi. Ouais, mais je peux le faire avec ton futé moi. Et sur ce joli blanc. On va passer maintenant au dossier, c'est ça? Au dossier de Vastou. Oh merde. Et après, il y a du coup le jungle. Jungle. Welcome to the jungle. Jingle Palette est décédé. Pourquoi tu me pointes du doigt? Bah pour que. Pourquoi tu me lances? C'est la fin en fait du. Je l'ai déjà lancé avant, j'ai dit on va faire le dossier. Après le jingle, je vais pas dire. Eh ben maintenant, retournons, remettons le jingle. Allez, vas-y. Maintenant, tu fais. Après ce joyeux jingle qui est passé, écoute. Après ce joyeux jingle. Non, mais là je donne le micro à mon ami. Asto. Donc, dossier d'Asto, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais. Ouh, dis donc, ouais, ça me aille. Donc, voilà. Il est là. Le fameux sac. Le fameux sac. Le fameux sac tote bag Dreamland. 10 ans. Qui signifie. Manga. Une seule chose. De manga. Manga. Une grosse bite. Review de manga. Qui signifie manga. Une grosse bite. Alors, attache-moi. le truc des saumons là. Ah, tu sais, ça, ah, saumon, là il faut que je récupère le tome 2 pour le lire d'ailleurs. Alors cette fois, je n'ai pas décidé de vous chroniquer une multitude de mangas. T'as décidé de nous chroniquer tout court, non? Je n'ai pris que 4. Nous chroniquer le cul. Je n'ai pris que 4 tomes d'un seul et unique même manga. Brebis, vache. Qu'est-ce qu'il reste? Tu peux me passer mon dossier s'intitule À poil et à rayures. À rayures et à poil, oui, même, oui. Devrais-je dire, pour une bonne raison. Et là, c'est le drame. Voilà. Ah oui. Ah, Prison Show. Ah, ça va plaire à. Ça va plaire déjà, à. Déjà, rien que la couverture. Ça va plaire à Jean-Louis Toucheux. Émile Toucheux. Émile Toucheux. Est-ce qu'il y a une couverture alternative? Je crois pas. Non, il n'y a rien sur la couverture. Ah merde, putain, je suis déçu. Désolé. Non, mais si tu veux les envoyer par là. Hashtag pour public averti. Par contre, j'ai reçu le nouveau Cross Dilemma où il y avait la couverture alternative. Ouais. Et il est sous blister parce qu'il y a un chapitre inédit non censuré. Wow. Va y avoir de la base. Donc tu me le mets de pas entre les mains. Il faut quand même mettre ça par là. De la base avait pas sur la base. Je veux bien. Donc, mon dossier est un petit peu, ouais, c'est même carrément un copier-coller d'un dossier existant. Non, enfin, genre, ouais, c'est un dossier existant sur le site de Manga Mag, un site d'actualité manga que je consulte très régulièrement. Ça, c'est le genre de manga que corrige Fox. Hein. Non, c'est pas. Non. Ouais. Non, c'est chez Soleil. C'est chez Soleil, c'est Del Sol. Hein. Ouais. Donc à l'origine, le dossier ne s'intitule pas à rayures et à poils, mais il s'intitule La perversion à chaque page. Ouais, je valide. Parce qu'il y a comme des gros tétés. Ouais. Voilà, je sais pas si c'est l'uniforme réglementaire dans les écoles au Japon, mais c'est un peu scandaleux. Tu trouves aussi. Donc série sous-estimée de chez Soleil Manga Prison School, ou Kongaku Gakuen en VO, est une série qui sait mettre en image toutes les formes de perversion imaginables. Attention même. Si la série d'Akira Hiramoto flirte avec les limites de ce qui est possible de montrer, elle ne franchit jamais le pas pour passer de l'ecchi au hentai. Alors, donc, à la limite, moi avec ce que j'ai sous les yeux, la ecchi c'est pervers, hentai c'est pervers. Mais pas pareil. Le premier, c'est tu vois les petites culottes. J'ai très d'en apprendre plus sur l'histoire parce que là, je comprends pas trop en fait. Carrément. T'es sûr qu'elle tome. Je suis un peu mitigé. Ça, c'est la lune. C'est le tome 1. C'est le tome 1. C'est un peu mitigé. Mais c'est toi qui as le tome 1. Ouais. C'est. Ouais, c'est trop chaud, hein. Alors, Prison School est une série au pitch très simple. Le lycée décide de passer. Ça m'étonne pas. Un lycée décide de passer de l'unisexe à la mixité, mais le message ne semble pas être très bien passé et il se trouve que la population masculine est de seulement 5 personnes. Ah, c'est malheureux. Pour ne pas arranger les choses, l'établissement compte plus de 1000 filles. Ah, c'est malheureux. Avec ce genre de base, difficile de ne pas imaginer que l'auteur va céder à la facilité et balancer du fanservice à foison. Mais il n'en est rien. Il y a une vraie intelligence dans la façon de gérer la perversion dans le titre d'Hiramoto, mais je vous en reparlerai plus en détail dans la deuxième partie de mon dossier. Ouais, pour commencer, parlons un peu qu'on t'écoute plus, là. De l'histoire et des personnages. Hein? Donc, c'est normal qu'il y a Monsieur Flap à un moment. Ah bon, de vrai? Tu peux parler plus fort, j'ai mon pouce qui t'écoute pas. Les plus beaux culs d'Amérique latine, quand même. Les plus beaux culs d'Amérique latine. Non, mais c'est pareil, ouais. Moi j'ai l'Amérique du Sud à un moment où il y a 2-3 clichés. Voilà, donc c'est le directeur de l'établissement. C'est violent comme truc, franchement. C'est le directeur de l'établissement. Franchement. Alors tu vois juste la première image qui est là. Non, mais moi j'étais sur Attache-moi. Et je te jure que Prison School, je pense que c'est le next level. Ah, bah, je pense que j'ai eu une version soft. Hein. Non, parce que Attachement, on est dans quelque chose qui est vraiment du 18+. Oh, mais. Prison School, c'est quoi, c'est du 16+. Elle est trempée. Il y a rien. Il y a juste marqué pour public averti. C'est tout. Ouais, ouais. Bah, je comprends. Enfin, je veux dire, tu montes pas à un gamin, quoi. Oh, j'ai fait la vacances. Ça. Tu montes pas à un gamin. Ah, bah, oui, ça, c'est sûr. Bah, ça non plus, hein, tu sais. Je n'ai pris que les 4 premiers tomes pour vous épargner. Ouais, merde. Ah merde, attends, merci de penser à nous. Pour pas trop vous spoiler aussi. C'est la situation, tu vois. Ouais, c'est bien ça. Donc, à 5 pour 1000, les garçons ne vont rien trouver de mieux que d'aller tenter de mater les filles dans les douches la première nuit à leur internat. Classique. Manque de peau pour eux, le conseil clandestin veille à les cueillir en plein acte. Alors qu'ils pensaient se retrouver au paradis, ils atterrissent en prison. Et clairement, ils vont chier grave. Ils vont chier des roues de chapeau. Le mangaka ne cède pour autant pas facilement à des facilités de scénario. Même s'il reprend quelques scènes traditionnelles. Il utilise toujours un angle un peu original. Bah oui, là, c'est clairement... Comme l'apéro. C'est un angle de vue très bizarre. Ah, ouais. Comme l'apéro. Le passage qui verra les garçons condamnés ne fonctionne pas grâce au plastique des jeunes filles en train de se frotter le dos. Bon, ça reste... Ça reste quand même, c'est quand même vachement bien dessiné, ça on peut pas, ah, par pas contre, le nier. Niveau dessin, oui. Et ouais, et c'est au niveau de dessin, de, au niveau dessin, c'est vrai qu'au niveau de la vulve, dans le style, ça, ça ressemble un petit peu, je trouve. Ouais, c'est pas... oui. Ouais. Mais c'est pas, mais dans le style, ouais. C'est. Par contre, moi j'aurais aimé qu'il creuse la question du clitoris parce que franchement, franchement, on le voit pas super super bien. Donc, ouais, alors que bon, la condamnation des garçons ne se fait pas grâce à la plastique des filles, mais plutôt à l'utilisation d'une fille, donc Chiyo, qui est à moitié aveugle. Et qui du coup va confondre. Elle ne voit rien venir. Elle va confondre un des garçons qui s'est retrouvé dans le bain des filles avec sa pote. Toucheux. Parce qu'elle ne voit rien dans le bain des filles, elle a passé lui, elle a passé lui, elle a rien. La scène de la douche du tome. Mais c'est des mecs 2. En plus, c'est que des mais, mecs. Mais c'est des mecs. Mais en fait, alors, c'est qu'une question de perspective. C'est une question de perception. Quand tu lis tu veux des trucs comme ça, t'enlèves ton voile juste sur mec qui fait tomber, tu fais ah bah merde, je vais le ramasser. C'était quoi la dernière fois que j'ai tapé, j'ai dit qu'il fallait pas taper Muscleman. Oui, manga, parce que mal manga, vas-y, amuse-toi, tu vas voir. Mais par contre, c'est très bien dessiné. Ça, je connais. C'est dessiné de Daniel. Ouais, c'est très joli. C'est toujours très graphique. Moi, j'adore ça. Attachement aussi est très graphique. Ouais. Donc, la tentative d'évasion n'est pas uniquement montrée pour ce qu'elle est. Hiramoto passe beaucoup de temps à dépeindre la préparation pour que le lecteur comprenne bien ce qui est en jeu. Si Kiyoshi veut sortir, ce n'est pas parce qu'il. C'est parce que sa vie en dépend. En dépend de Gakuto, donc un deuxième des personnages, ils sont prêts à mettre leur honneur en jeu pour mener à bien leur opération. Évidemment, les cinq personnages masculins vont être au centre du récit, au moins pour ce qui est du premier arc narratif, c'est-à-dire les 9 premiers tomes. Là, je vous ai pris que les 4 pour pas vous spoiler trop sur le jeu. C'est sûr que ça finisse pas en gangbang, mais ça, pour pas nous exciter aussi. Aussi. Donc, on va se remplir le froc. S'il te plaît. Moi, il est déjà bien rempli. Hein. Et sans forcer. Donc, après, je peux comprendre que ça te fasse un drôle d'effet. Donc, je vais vous présenter un petit peu les personnages de Prison School. Donc, on va commencer par Kiyoshi. Kiyoshi Fujimo, donc c'est un peu le monsieur tout le monde, c'est celui que vous avez en couverture du tome 2. C'est John Smith un peu en anglais. Voilà, donc c'est lui. Mmh. Il a une tête de monsieur tout le monde quand même. Ouais. Voilà, c'est un peu le monsieur tout le monde du manga. Tout ce qu'il y a de plus normal, il est un peu la caution saine entre gros guillemets, ouais. Parce qu'en fait pas du tout de la série, et le point de référence principal des lecteurs en fait. Il est le personnage principal auquel la plupart des lecteurs pourra s'identifier. Cependant, ça ne veut pas forcément dire qu'il arrivera des choses les plus ordinaires. Si la relation qui lui donne le plus de plaisir est celle avec qu'il entretient avec Chiyo, donc cette fille à moitié aveugle là qu'il va rencontrer, avec qui il va avoir un point commun, c'est avec Anna, donc elle, donc celle qui est sur la couverture du tome 4, ouais, je vois. Qui va vivre les aventures les plus folles. Les plus folles. Si lui n'est pas trop à plaindre, la jeune blonde en prendra plein la figure dans tous les sens du terme. Ouais. Il est difficile de choisir un des meilleurs moments avec Kiyoshi pour la simple et bonne raison que chacune de ses scènes avec Anna frise le génie à tous les niveaux. Attendez-les avec impatience, elles valent clairement le détour. Deuxième personnage que je vais vous présenter, il s'agit de Gakuto. Donc c'est Takehito Morokozu. Mais alors là, son prénom, on en a rien à foutre, il sera toujours appelé Gakuto dans le manga, donc c'est le personnage qu'on aura le plus de plaisir à voir se faire tabasser en fait. Carrément. Ouais, c'est pas qu'on l'aime pas, parce que tout le monde l'appelle le merdeux à lunettes. Ah, c'est pas très sympa le merdeux à lunettes. Mais c'est l'appellation officielle de la vice-présidente, donc la personne qu'on a en couverture du tome 1, donc celle qui a le short beaucoup trop court. Et qui ne peut pas faire ça. C'est elle, on voit toujours ses culottes dans tous les streams. Si on peut l'appeler une culotte, parce que c'est quand même très très proche du string. C'est une ficelle qui passe, c'est tout. Voilà, donc on le verra se faire frapper. Moi je veux me faire digitaliser et vivre là-dedans. Ce n'est pas qu'on aime. Tu veux qu'on mette des doigts, on va digitaliser, tu vas voir. Mais sa passion pour les trois royaumes et sa façon très vieillotte de s'exprimer. Le rendront un peu tête à claque en fait. De tous les prisonniers, c'est celui qui change le plus au fil des volumes, tant physiquement que psychologiquement. Alors qu'il est assez peureux et conformiste au début, il va rapidement prendre un peu d'assurance et s'affirmer comme un stratège du groupe, puisqu'il est un petit peu, comme je vous disais, fanat d'un univers, une espèce d'univers fictif des Trois Royaumes. C'est une espèce d'univers médiéval japonais. Chinois, ouais, voilà. C'est chinois, je crois, les Trois Royaumes. Il n'y a pas encore un anime de sortie là-dessus ? Oh, mais si, parce que t'en as parlé pendant le... T'en as déjà parlé de Prison School en anime. Oui, oui, il y a un anime. Il y a un anime qui t'a fait les volumes 1 ou volume 9. Qui t'a fait le premier arc narratif. D'accord. Il y a eu une annonce de la saison 2 qui est... On attend toujours. Et il y en a qui font du cosplay là-dessus. Oh, là, là, là. Ouais, en prisonnier. J'ai jamais vu. En prisonnier. Excusez-moi, je débute hein, dans le monde du manga. Alors concernant Gakuto, donc c'est le mec qui a les lunettes là. Ça me vient parce que j'ai vu ça quoi. Son coup de folie dans l'un des moments les plus désespérés de l'arc est assurément sa meilleure apparition et l'une des plus drôles. Donc je vous laisserai découvrir éventuellement ce qui lui arrive. Dans ce moment de génie où il va vouloir enregistrer des bruits de paix. Ah mais c'est moi, du tome 2. Moi je peux faire. Enfin, j'ai lu dans le tome 2 qu'il se mettait, qu'il allait ensuite... qu'il allait... Voilà. Il se met un micro au niveau des fesses. Ah oui, mais ça je l'ai vu en image. Il enregistre des bruits de paix, mais ça tourne mal. Il n'y a pas que du paix. Il y a du paix. Ah, je veux le tome 2, je rigolais un peu. Il n'y a pas que du paix. Pout. Alors, le troisième prisonnier, il s'agit de Shingo Wakamoto, ou juste Shingo. C'est un peu la racaille, en fait. C'est un peu le mec un peu racaille, mais qui a un côté très cool. On pourrait presque dire que c'est le personnage le moins original de la bande, tant son développement est prévisible. Ah, c'est les cosplays. C'est celui qui est à l'eau. Ah, mais j'en ai jamais vu. Bah, ah ouais, je te jure, là, tu loupes des trucs. Hein. Il y en a des cosplays. Oh ouais, c'est des cosplays de filles prisonnières, c'est pas vraiment de filles de. Mais si, si, parce qu'elles ont cet uniforme-là. Dans le comme dira l'autre, je m'en branle. Bon, Shingo, c'est celui qui est là. Shingo est à l'origine du ban, de la mise au ban de Kiyoshi. Il aurait pu faire office de leader s'il n'était pas aussi je m'en foutiste en fait. Puisque c'est un peu le rebelle cool, racaille, hein, tout ça. Son importance dans le récit n'intervient que lorsque Hanzu, donc un personnage féminin supplémentaire, va être introduite dans la série. Chose qui arrive assez tard, mais qui a quand même pas mal d'importance. L'une des meilleures scènes intervient vers la fin de l'arc, lorsqu'il s'excuse auprès de ses camarades en omettant certains détails qui lui vaudront une belle tarte un peu plus tard. Prisonnier suivant, il s'agit de Jo, ou Joji Nezu. Jo la crapule. Ouais, c'est juste Jo. C'est un personnage très discret, souvent à part, un jeune garçon un peu bizarre. Amoureux des fourmis qui s'avèrent souvent vulgaires lors de ses interventions orales, il fait partie de ces personnages qui se mettent en marge presque d'eux-mêmes. Son chara-design est d'ailleurs en accord cette caractérisation, puisqu'il apparaît comme étant de faible constitution, où il est toujours en train de tousser et de cracher du sang. Il a toujours le visage. Ah, c'est pas Zizou. Hein. Il a toujours. Ouais, on voit jamais son visage en fait. Il a toujours une capuche pour cacher son visage. Il fait Okamane no Suzuki. Ne ratez pas son heure de gloire lors du tournoi de bras de fer avec la vice-présidente, où il y a trois cases qui pourront vous faire sourire à coup sûr. Bon, c'est quel tome? Ça doit être tome 7. Bon, 7-8. Le tome 2, oui. Le tome de chèvre. Alors, Reiji Ando, ou plus connu dans le manga sous le nom de André. André, le géant. Dédé, ouais, André. C'est le mazo. En fait, c'est le mec qui aime bien se faire tabasser par la vice-présidente, donc celle qui est en couverture du tome 1. Ah oui, putain. Voilà. Remarque, je le comprends. Il en fallait bien un, et c'est tombé sur ce pauvre... sur ce pauvre André, qui est de taille très grande, puisque c'est presque un géant. Force de la nature, il adore se prendre des coups plus qu'en donner. Il est tellement heureux de subir de ces humiliations en tout genre qu'il tient un journal d'esclaves où il raconte tous les jours ce qu'il a vécu comme humiliation et comme châtiment. Et bah, il va pouvoir le publier ça, et puis à mon avis, ça va. Il n'y a rien de plus pour André. Le personnage est assez plat dans la mesure où il n'évolue jamais vraiment dans il évolue pas vraiment dans ce premier arc. C'était tellement gratuit. Mais ça fait tellement plaisir. Allez, dis-la ton nom, membrane. Un moment à choisir. Vas-y, la télé, membrane, vous allez voir. Un moment à choisir pour André, enfin, c'est également le concours de bras de fer avec la vice-présidente qui évolue en. Enfin, qui évolue ou dégénère, c'est un peu comme vous le voyez. Ouais. En concours de cul de fer. Cul de fer. Ouais, de cul de fer. Voilà. Si vous avez vu Keijo. Le manga où il y a des filles qui sont au milieu d'une piscine qui se foutent des coups de cul pour se foutre à l'eau. Voilà, des voilà. Et des coups de seins aussi. Et des coups de seins, voilà. C'est merveilleux, je te jure, je regrette de pas être japonais quand même. Ça doit être sympa quand même. Attends, imagine la frustration de laquelle ça témoigne tout ce genre de. Oui, c'est ça, mais c'est ça. T'imagines, toi, t'arrives là-bas, là, et tu fais, hé, les filles. Moi, je alors, on va ça. Maintenant passer au personnage féminin de Prison School. Donc, celle qui écarte toujours les cuisses en fait. C'est un peu dégradant pour les c'est gars. La directrice, hein. Ah, c'est la vice-présidente, moi je parlais. On commence par la présidente, donc Marie. Mmh. Marie Curie-Ara. C'est un Marie Curie. Marie Curie-Ara. Elle est riche en uranium 340. Ouais. C'est la présidente du conseil clandestin des élèves. Ça reste conseil un conseil clandestin. Oui, en fait, c'est un conseil clandestin, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est un mais qui a le pouvoir, en fait, sur. Ils sont au-dessus du directeur, en gros. D'accord. Mais c'est un conseil clandestin, c'est pas le vrai conseil des élèves. Alors ça reste un personnage assez mystérieux pendant tout ce premier arc en fait. C'est la fille du directeur de l'école, ouais, donc du mec qui est en train de regarder les latinos sur internet. Ouais, il en a de la chance. On comprend rapidement qu'elle n'est pas dans une situation de pouvoir grâce à son père. Elle est très autoritaire, elle est charismatique, elle a une détermination qui force le respect. Et elle n'a qu'un seul but. Dans son lycée, c'est vraiment de protéger l'école et faire en sorte qu'il n'y ait plus de mecs. Virer les 5. En fait, le conseil clandestin des élèves les met en prison parce qu'ils veulent les dégager du lycée. Il est difficile d'en vouloir à la présidente pour ses actions, et ce même s'il semble un peu disproportionné au début. Elle agit avec la volonté de préserver le bien-être de tout le groupe et pas seulement de ses amis. Ses objectifs sont louables, même si ses techniques sont parfois un peu considérées comme trop sévères. Son apparition la plus mémorable reste la scène avec Gakuto, donc le merdeux à lunettes, là où il se jette sur elle et fait tomber sa jupe dans le but de provoquer la vice-présidente, donc celle qui a les seins qui sortent de son uniforme. Donc, Madame Boshi au collège Jean Monnet, c'était pas ça. Donc on passe au personnage suivant, à savoir la vice-présidente. En fait, la vice-présidente, c'est un peu le. Pour nous en France, c'est le véritable personnage principal de l'histoire. Et ce, pour une bonne raison, c'est que si vous prenez le tome 1 et le tome 2, au Japon, cette couverture, c'est le tome 1. Chez nous, c'est le tome 2, ils ont préféré mettre la Miss Big Boobs sur le tome 1 pour que ce soit plus vendeur. Bah oui. Voilà. Ah, merci, Boudjel. Donc, Meiko Shiraki, donc elle a un nom, même si on l'apprend plus très tard là, en fait, dans la série. Bah, comme le Swamp Thing, là aussi un nom de président, Shiraki. Donc, c'est une femme à la force un peu surhumaine qui possède une poitrine démesurée et un sens de la gêne quasi inexistant. Inversement proportionnel à sa poitrine. Exactement. Ses intentions sont toutes plus autoritaires les unes que les autres et les cinq garçons adorent se faire tabasser par cette plantureuse jeune fille. Tabasser ouais. Ah bah oui, ils se font tabasser, oui. Sûrement, une de ses capacités, elle voue un véritable culte à la présidente. Elle lui obéit sans réfléchir et n'hésite pas à mettre sa vie et son honneur en jeu pour elle. Si une scène qu'on retient pour la vice-présidente, c'est probablement celle de sa démonstration de force lors d'un entretien où il y a donc Marie et et Anna, donc la troisième personne du conseil clandestin, qui sont en train de boire un thé tranquillement pendant qu'elle fait des tractions sur les petits doigts à une porte et elle est en train de suer comme pas possible. Ah, ça donc, sue. Ces tractions au bout des doigts sur le rebord d'une porte se termineront d'une manière inattendue. Qui donnera une occasion de bonheur relatif à Kiyoshi. Si on vous a dit que Meiko n'est autre que véritable personnage héroïne de la série, c'est donc, comme je vous disais, c'est parce qu'ils ont inversé les couvertures 1 et 2 pour la publication française. Le troisième et dernier personnage du conseil des élèves, il s'agit de Anna, donc celle qui est en couverture du tome 4. Anna Midorikawa est un personnage que l'auteur c'est le personnage que l'auteur déteste mais le plus. Ouais. Il y a du pas coup, de la maltraite. Il a fait, mais c'est ignoble ce qu'il a subi. Soit il a été frustré par des jeunes filles qui lui ressemblaient quand il était plus jeune, soit il a voulu exorciser un sentiment qui lui collait à la peau. Enfin, c'est ultra sadique. Cette lycéenne n'a rien de spécial, Anis si Beauté. Ce n'est... Ah oui, Anis Beauté, c'est très très bien comme... Mais je viens d'Anis Beauté. C'est un manga sur les hémorroïdes. Ah, ouais. Non, mais il faut juste expliquer que je suis passé sur le Twitter de Mangamai, voilà, c'est pour ça. Tu m'étonnes. Tout aparté, voilà. Donc, ah ouais, putain. Anus Beauté, oui, c'est un manga en deux tomes. Ah, oh, c'est une cher. Bêtise. Mais ça a été. La préface du tome 1 de Anus Beauté est faite par Marina Carrère d'Ancos. Oui. Donc, ah, ouais. C'est celle qui fait. Le magazine de la santé. Avec Michel Simès. Exactement. Et Benoît Thévenin. C'est pas la dernière à déconner. Par contre, c'est. Il y a deux tomes, mais c'est genre 13 euros le tome. Ouais, ils sont tous en couleur. Ouais, ça fait cher. C'est cher le tome. Mais a priori c'est sympa, c'est marrant. Oui, c'est sympa. Donc j'en reviens à Anna, donc la fille du conseil des élèves qui est maltraitée. Elle a rien de spécial si ce n'est sa force et sa pratique des arts martiaux à un niveau extrêmement élevé. Elle va vivre un véritable calvaire en tentant de faire respecter l'ordre dans la prison. Le nom du responsable, bien sûr Kiyoshi, le personnage principal. Sans le vouloir, le jeune garçon va lui faire subir les pires humiliations qu'une jeune fille aussi innocente qu'Anna puisse imaginer. Difficile de ne pas ressentir une véritable tristesse pour ce personnage qui n'avait pourtant rien demandé. Comme Kiyoshi, il est impossible de choisir une scène particulière où Anna intervient, puisque toutes celles où il y a Anna plus Kiyoshi, ça finit toujours dans un truc complètement... Elle s'en prend plein la gueule. Ah. Comme je le disais plus haut, elle s'en prend plein la gueule. D'accord. Titre. Comme une de répétition. Mais parce que. Ouais, mais pour de vrai. Mais plein la gueule. Mais franchement. Ah, texte alors. Ça, c'est le problème des femmes Fontaine. Non. Fontaine, je ne mourrai pas de tonneau. C'est ça. Bataille. Prend plein la gueule, mais version texte. C'est pour ça. Donc, deux autres personnages féminins. C'est un comique. Il paraît. C'est bien de France 2. De l'autre personnage féminin qu'on verra également dans ce premier arc, il s'agit de Chiyo et de Hanzu, qui font un peu figuration dans cette première partie de la série. Elles n'hésitent tout de même pas à donner un petit peu de leur personne pour aider les garçons à sortir de prison, parce qu'elles les croient pas forcément coupables de ce qu'ils ont fait. Donc Chiyo... La première des deux, donc celle qui voit mal dans la baignoire, en fait c'est... On voit mal dans les bains pour filles, elle confond un des garçons pour sa pote. D'accord. Sauf celle qui grandit dans le tome 1. En fait. Qu'est-ce qu'on dit ça dans le tome 1, ouais. Justement, dans cette scène-là. C'est dans... Bah, de toute façon, premier plan dans le tome 1, c'est une ouverture sur... C'est une ouverture, c'est-à-dire... Tu rigoles. Une ouverture. Ouais, c'est une ouverture. Non, je crois que c'est une ouverture. Non, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu quand on a été choper la page internet avec Noé. Ouais. Oui, on a vu que ça ouvrait sur des bains publics. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle dans ce manga, c'est qu'en est-il quid du mec qui a une capuche et qui se prend pour Assassin's Creed. Ben, il fait un élevage de fourmis. C'est Naruto, ça. Sa passion, c'est d'élever des fourmis. Parce qu'il a vraiment une dégaine à Assassin's Creed, tu vois. Toujours avec sa petite capuche, mais... Ouais, c'est le mec rachitique qui est toujours en train de tousser et de cracher du sang. qui est faible, de faible consistance. De faible constitution, mais qui a un élevage de fourmis. Je fais pas les fourmis. Donc, je fais pas les fourmis. Un des deux personnages un peu annexes, c'est Chiyo... Pourtant, même si... Chiyo Uriyama. Ça rentrerait. Donc, Uriyama, vous dit peut-être quelque chose de non, puisque en fait, Chiyo n'est d'autre que la petite sœur de la présidente du conseil des clandestins. Du conseil clandestin des élèves. Donc clandestino. Elle incarne l'innocence à l'état pur, l'oasis en terre miné pour le peuple. L'oasis, c'est l'innocence. Oasis, c'est ça. Qui n'arrête pas de se prendre des coups pour un oui ou pour un non. La lycéenne est peut-être la seule à accorder le bénéfice du doute au garçon et réussir même à sympathiser autour d'un tel inattendu avec Kiyoshi, à savoir le sumo. Voilà. Sa candeur ne surprend plus en fin d'arc, mais on se rend compte qu'elle aura causé quelques soucis. Si on pouvait penser que Hanzu, donc le deuxième personnage féminin un peu annexe, devait avoir le même rôle que Chiyo pour un autre des membres de la bande, à savoir Shingo, donc le mec un peu rebelle. Lors de sa première apparition, on va vite comprendre qu'il y a une petite différence entre les deux personnes, moins lisse que sa camarade, la jeune rebelle, possède un caractère bien plus intéressant à mettre en scène. Si les garçons sont considérés comme de la mauvaise herbe pour le conseil clan des 5 avant même leur arrivée à l'école, c'est tout simplement parce que deux de ces trois membres ont eu une très mauvaise expérience avec des éléments masculins dans leur passé. Avec sa poitrine opulente et, oui. et ses poussées de sueur incontrôlables, Meiko a probablement été brimé lors de son parcours scolaire et en priorité par des garçons incapables d'agir, notamment avec leurs hormones en hausse. Ouh là là, le cucu. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai quand on lit la suite. Pour la présidente, inutile de s'étendre, sa haine des hommes lui vient de son père, pervers en puissance et adorateur des popotins. Ah, il a bien raison. Qu'il a proprement dégoûté avec son attitude désinvolte. Il a quand même laissé traîner beaucoup de choses au fil des temps. Dans sa bite. Anna est un cas un peu à part. On se rend compte grâce à sa dernière rencontre avec Kiyoshi que la jeune fille a dû être élevée dans un environnement très protecteur. Alors qu'elle était au lycée, elle ne semble avoir eu aucun contact avec des hommes. Ah ouais, c'est du gros plan quand même. Il a choué dans les nattes là. Hein. À part Kiyoshi, bien entendu, puisqu'elle va avoir des rapports. Ouais. Voilà. Des rapports. Des rapports, très très. Enfin, voilà. Elle considère seulement les hommes comme impurs. Tout simplement. Alors, impossible de ne pas terminer cette vue d'ensemble de la série par vous parler rapidement de l'anime, disponible en France chez Crunchyroll. Voilà. Il conclut le premier arc de la série, à savoir les tomes 1 à 9, comme je vous disais. C'est une adaptation super fidèle du manga, presque au plan près. Le studio de production a pensé qu'il était nécessaire de censurer certaines scènes. Au plan près et au zoom près, parce que là... Il y a quelques censures... Pour la diffusion télévisée, mais rassurez-vous, la version Blu-ray vous permettra de profiter du titre sans aucune restriction. Cool. Ah. Un très bon doublage avec des seiyuu qui ont, avec des seiyuu donc des. Semi. Seiyuu. Des seiyuu. Donc les seiyuu. Des seiyuu together. Les seiyuu, ce sont des doubleuses professionnelles japonaises. Des doubleurs. Ou des doubleurs professionnels japonais qui se sont éclatés, mais vraiment à fond quoi. Contre le mur. Ah non mais quand tu dois doubler une série comme ça, avec enfin avec ce qui se passe dans cette série, enfin oui, mais ça doit manquer de grosses voix japonaises un peu. Je veux dire t'es obligé de te marrer quand tu doubles ça quoi. Je veux dire. Bah tu doubles un cul qui parle pas quoi. Monsieur Flap, ils ont fait appel à Monsieur Flap. Donc c'est une excellente animation. Les coups de pied d'Anna ont l'air de faire tellement mal. Et le rythme est maîtrisé. C'est ce qui vous attend si vous décidez de vous lancer. Pour les fans du manga, les scènes mythiques sont encore plus folles une fois animées. De plus, le studio a trouvé un bon compromis entre scènes d'action et monologue intérieur pour ne pas trop casser la dynamique. L'animation a l'air vraiment une bonne facture. Des épisodes. je sais plus quel est le studio qui a fait l'animation de... C'est pas Latoé en tout cas. C'est un studio connu en plus. Je sais plus. Alors que la première saison de 12 épisodes et un OAV s'est terminée en 2015 au Japon, une seconde est toujours attendue par les téléspectateurs de la première. Il y a déjà eu des teasers de la saison 1, donc on espère qu'elle arrivera en 2018 quand même. Il y a assez de matériel à ce jour. Au Japon en tout cas pour que il y a du matos pour qu'une saison 2 puisse arriver assez rapidement. Soon what you done. Donc Prison School, c'est une histoire simple mais pleine de perversion, et ce à tous les niveaux. Il a les couilles dans les oreilles. Excuse-moi. Alors le plus facile à voir et ce qui découragera peut-être certains lecteurs, c'est le côté visuel de la perversion. Voilà, vous avez pu feuilleter les 4 premiers tomes. C'est évident presque immédiatement lorsque le lieu de l'action est présenté, lorsque l'académie Hashimitsu, apparaît aux yeux des lecteurs. Ce n'est pas ces bâtiments et ces professeurs qui sont mis en avant, mais bel et bien les jeunes filles qui s'y rendent. Jupe courte, chemise serrée, l'auteur ne laisse aucune place au doute et indique à son lecteur qu'il ne va pas hésiter à se lâcher quand cela sera nécessaire. Même si introduire un peu d'etchi est une bonne technique pour fidéliser rapidement le lectorat masculin, l'auteur Hiramoto n'abuse pour autant pas de ce procédé. Il va l'utiliser à bon escient et avec modération. Encore une fois, il ne franchit jamais la frontière du hentai, même s'il faut convenir que parfois c'est vraiment méga borderline. Hein. Voilà. On est d'accord. Ah ouais, moi je suis sur Crunchyroll, là, je suis en train de regarder le premier épisode, franchement. Une fois le personnage de la vice-présidente introduite, sa tenue provocante, mais qui semble surtout ignorer toutes les règles de bienséance dans un établissement scolaire, vient rendre fous les 5 garçons qui ont débarqué dans le lycée et encore loin d'embrasser la condition de mixte. Avec sa chemise à moitié ouverte, laissant entrevoir soutien-gorge ou brassière, c'est comme vous voulez, ou même plus parfois, même souvent, même plus, toujours, même toujours ça laisse voir plus. Elle porte aussi une jupe ultra courte dont on peut questionner l'utilité puisqu'elle ne cache absolument rien. Et au moindre mouvement, la culotte de la vice-présidente apparaîtra aux yeux de tous, même si c'est pas vraiment une culotte, c'est plus du string, ça relève plus du string même que de la culotte. Cette tenue associée à la cravache qu'elle utilise pour battre les protagonistes vient introduire un peu de sadisme, mais aussi pas mal de masochisme, puisque voir autant de peau féminine rendra les garçons plus friands de la punition qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ils friands, comme les... D'ailleurs, ils prennent les coups presque volontiers lorsque c'est Meiko qui s'y colle, mais quand c'est Anna, donc la blonde avec un short en dessous de sa jupe, donc pas très très sexy. Elle a la jupe à la râle. Là, d'un coup, les coups de pied, ils font beaucoup plus mal. Au fil des chapitres, notamment grâce aux interventions de la vice-présidente, on remarque le cadrage particulièrement original, puisqu'ils font en sorte de se placer toujours pile-poil là où il faut. Oui, sinon c'est pas drôle. Vue arrière, basse, au-dessus, le dessinateur ne se prive d'aucun moyen pour que l'on puisse admirer la plastique de l'héroïne, mais, et ce, même dans les situations les plus aléatoires. Parfois, les cadrages ne sont pas là, que pour permettre au lecteur de se rincer l'œil. Quel intérêt y a-t-il de se placer derrière les jambes de la vice-présidente pour observer une discussion entre Kiyoshi et Gakuto. Cependant, il le fait tellement souvent, et bien, tant qu'à faire, qu'on s'y habitue et qu'on se met à considérer ce cas comme normal. Vice-présidente, rien à voir avec le chien dans Silver Spoon. Non. Il y en a qui suivent. Il fait en sorte de banaliser ses prises de vue pour en faire une perversion ordinaire. Si après ça, vous ne le considérez toujours pas comme un génie, alors là, ça, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Si le visuel ne suffisait pas, il propose des personnages qui, de base, possèdent une perversion dans le sang. Psychologiquement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et se retrouvent forcément ancrées dans leur caractère. L'exemple n'est d'autre qu'André, donc le géant accro au cou. C'est pour ça qu'il s'appelle André, qu'il est grand peut-être. Ouais, sûrement. Oui, parce qu'il est passionné de catch. D'accord. C'est bon. Donc André, donc le géant accro au cou, ne peut pas se passer des mauvais traitements infligés dans la prison. Alors qu'on le découvre à peu près normal, impossible de savoir si c'est une condition qui était là auparavant ou si c'est l'effet de l'emprisonnement qui le rend masochiste, enfin accro au cou, ouais, à la violence. La guerre. Voilà. C'est d'ailleurs par cet angle que va attaquer le conseil pour le déstabiliser. Ils vont cesser toute violence sur ce personnage plongé dans un état de manque qui le poussera clairement à la faute. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va dépérir. Hiramoto traite la condition d'André comme s'il s'agissait d'une drogue. Il le fait passer par tous les stades du kamé en manque. Ce changement visible, aussi bien physiquement que psychologiquement, chez l'adolescent, n'est pas immédiat, il est progressif. En faire une évolution permet de renforcer la violence du traitement infligé et contraste... fortement avec la bonne volonté des filles de se débarrasser de la vermine. Pour arriver à leur fin, elles n'hésitent pas à utiliser des techniques peu conventionnelles, mais que l'on pourrait aussi qualifier de diaboliques. Et oui, les filles ne sont pas non plus exemptes de défauts. Il faut une certaine dose de machiavélisme pour en venir à infliger ce genre de traitement aux prisonniers. Si elles n'ont pas l'air de retirer un plaisir de ce qu'elles font, elles semblent ne pas le détester non plus. Grisées par le pouvoir, elles vont peut-être voir un peu trop gros et leurs agissements restent pour que leurs agissements restent impunis. Psychologiquement, les trois possèdent un blocage sur la gente masculine. Pour la présidente, c'est lié au culte de la partie du corps entretenue par son père. Le proviseur du lycée est a une véritable obsession pour les postérieurs, histoire de compléter la galerie des personnages bien fournis. Dernier exemple de perversion psychologique, la cohésion du groupe qui commence par la camaraderie de conséquences, mais qui devient une véritable amitié lorsqu'entre en compte un certain concours de t-shirts mouillés. Cet objectif ultime du groupe de garçons va les booster, leur donner même une force et dans des moments les plus difficiles et même leur permettre de communiquer par télépathie. Wow! Ouais, ça y est, je sais pas. Comme valeur morale pour lesquelles ils mettront en vie leur jeu, on peut dire qu'il y a plus sain. Le plus impressionnant d'un Prison School, c'est probablement sa façon de pervertir les mots. C'est une façon qu'il aurait été impossible sans un excellent traducteur. Et pour le coup, à votre avis, qui est-ce qui s'est collé? C'est Flo. Ouais, c'est Florent Gorge. Ouais. Pardon, qui s'est collé la traduction de Prison School. C'est pour ça que je voulais les lire. S'il a collé que la traduction, ça va. Non, c'est pour ça que je voulais les lire aussi, parce que je sais qu'il est très bonne traduction. Et très franchement, son travail force le respect. On le voit immédiatement lorsque Gakuto prend la parole pour la première fois. Akira Hiramoto n'a aucunement facilité une potentielle localisation hors Japon. On peut même imaginer que ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Après tout, son œuvre est tellement farfelue que la considérer à l'exportation, c'est une vraie mission. C'est sans compter l'œil des chasseurs de chez Soleil Manga, qui ont su déceler en ce titre un génie hors du commun. La façon de parler un peu vidiote de Gakuto est rendue à la perfection avec des sieurs et des diantres. Il ponctue tout chiffre. Toutes les phrases de Gakuto sont ponctuées de fichtres ou de diantres en fait. Et il appelle tous les autres personnages masculins sieurs. Et tous les autres personnages féminins, je sais plus comment il les appelle. Sieuses. Non, pas sieuses. Sieuses, mais dames. Dames, voilà. Dames évanouies. Dames machin et sieurs machin. Cependant, ce n'est pas la seule difficulté qui s'est opposée à Florent Gorge. Putain, j'y arrive jamais. Hein. Les titres fourmis et de sous-entendus en tout genre et faire en sorte de les faire ressortir dans les textes français sans s'éloigner du contenu original n'a pas dû être une tâche facile. Les langues ne fonctionnent pas de la même manière au niveau structurel. La traduction doit souvent prendre certaines décisions drastiques pour ne pas perdre le fond ou la forme. Ici, on a l'impression que l'obstacle a été contourné, tellement le texte est fluide. Bien sûr, la plupart des sous-entendus passent par des jeux de mots qui ne manqueront pas de faire ricaner le lecteur à l'esprit tordu. Sans un minimum de perversion, il est impossible de rentrer complètement dans l'univers de Prison School. Les prudes devraient facilement y trouver leur compte, tant certains dialogues s'avèrent subtils. Hiramoto n'hésite pas d'ailleurs à reprendre certains de ses délires pour les pousser au maximum. Ainsi, il y a un véritable quiproquo qui naît d'une scène impliquant une certaine bouteille qui reviendra à plusieurs fois dans l'histoire, à la même jusqu'à propager une rumeur dans toute l'école. Encore une fois, bien sûr, c'est le résultat d'une scène impliquant Kiyoshi et Anna. Voilà. C'est pas drôle. Voilà, où un s'en prend plein la gueule, encore une fois, pour changer. Comme il est de coutume de toujours garder le meilleur pour la fin, on ne peut pas s'empêcher de vous parler des dialogues du proviseur qui constituent probablement l'une des plus grandes parties de la perversion verbale. Le père de la présidente du conseil clandestin ne le fait pas trop au départ. Le traducteur a lui-même avoué avoir eu un peu de mal au début, mais réfléchissant à retraduire certaines cases pour les réimpressions. Lorsqu'il commence à avoir pas mal de lignes de dialogue, ces bulles se terminent toujours par des accentuations très fortes, comme on constate très bien dans l'animé, d'une dernière syllabe qui introduit un sous-entendu sexuel. On retrouve souvent donc des queues, ou des seins, ou des cons, en fin de phrase, et d'autres joyeusetés au beau milieu de phrases tellement banales qui n'ont absolument aucune signification cachée à la base. Bref, difficile de nier le génie combiné de Akira Hiramoto et de Florent Gorge. En guise de conclusion, comme vous savez, l'auteur, pour ceux qui aiment le style de dessin de l'auteur, très numérique mais véritablement subtil, un artbook est disponible depuis le mois d'août 2016 uniquement au Japon. Cependant, puisqu'il n'est, il n'y a quasiment pas de texte, ce dernier reste très accessible à un grand nombre. Vous retrouverez dans cet artbook de sublimes illustrations de couleurs, dont certains feront office de spoil, attention à vous. La série étant beaucoup plus avancée au Japon que chez nous. Les illustrations couleurs qui ne manqueront pas d'exprimer tout le talent du dessinateur pour les courbes féminines et leur colorisation. Prison School fait partie de ces séries qu'on aimerait voir un peu plus sur le devant de la scène. Alors oui, son thème est assez adulte et son contenu n'aide pas vraiment à le faire bien voir. La série à un grand public. Mais il y a pourtant une intelligence rare dans la façon d'Akira Hiramoto de mettre en scène les personnages et de leur faire vivre des situations plutôt sympathiques. Décomplexé, hilarant mais aussi touchant par moments, certains des garçons n'hésitent pas à se lancer dans des grands actes héroïques, ou du moins qui leur paraissent héroïques, même si ce ne sont que des choses complètement triviales. Ce Prison School, ou Kongaku Gakuen, je vous le répète pour le titre original, même s'il n'est pas à mettre entre toutes les mains, certaines scènes sont très osées, devraient faire l'unanimité auprès des jeunes adultes chatoyants. Voilà pour ce qui est du dossier que j'avais récupéré donc sur le site de Mangamag. Bien rempli. Un sacré dossier. Ouais. S'intitulant Prison School, la perversion à chaque page. Oh. Pour ce qui est de ce que j'en pense de Prison School, évidemment, j'adore. J'adore ce manga que j'ai découvert par l'anime. Ouais. Tout d'abord par l'anime, puisque chez nous le manga est arrivé après l'anime. Mais je n'ai pas hésité donc à sauter dessus, à sauter sur le manga quand il est sorti en France. Donc la saison 1 qui est disponible chez Crunchyroll, voilà, vous fera les épisodes, enfin les tomes 1 à 9. Nous confirmons de ce côté de la table. 9 ou 12, je crois que moi j'ai lu 12. 12 épisodes, hein. 12. Oui. 12 épisodes qui vous feront les tomes 1 à 9. D'accord, très bien. Donc le premier arc, à savoir qu'aujourd'hui on est au tome 14 ans. Je crois qu'en ce moment sur ma table de nuit, je suis en train de dire le tome 14. En sopalin ou en version originale? En version originale. Non, ça c'est l'abonnement. Sopalin original. Ouais. Donc voilà, je vous encourage à lire Prison School vivement. Vivement. Que ce soit pour le côté pervers ou pas. Ou par plaisir. Moi graphiquement j'aime bien. C'est très numérique. Si on enlève l'aspect. T'as vu les tchouches? Elles sont tchouches. Elles sont carrément bien gaulées. Les personnages féminins sont carrément bien gaulées. Et les gaulées au moins, et les situations, mais tu te dis. Mais Flo a fait un travail ouf, même dans ce qui est les pages à la fin des tomes où on te dit qu'est-ce qui va arriver ensuite. Y a un des tomes, dans le volume suivant, il y a un des tomes, ça va être à la fin du tome 12. C'est hilarant, quoi. Ce qui te dit, ce qui va arriver dans le prochain volume. Mais ça a spicé dessus, quoi. Je veux pas vous spoiler, mais il se passe des trucs tellement ouf après. Ça part en 69, mais... voilà, quoi. De 14 à 69. C'est épique. C'est à la fois épique, hilarant et... c'est ouf. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce qui est de Prison School. Propose Mick Ado. Bien, merci. Je pense que j'en ai assez dit. Bon, question aux invités. Hein. Encore Mais non, je lance le billet, c'est parti. On en a marre. Ah oui, je vais te laisser. Allez, viens. On va manger des chips. T'es qui là, mon beau? T'entends? Des chips? C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Merci, j'ai joué de la tech hier soir. Ah bah je vois que Sophie qui me regarde. Tu crois qu'on a enfin, encore envie de répondre à ça avec notre Sophie, état Dunder. 2. 2 De 1 à 90. 2. Attends que Google Chrome arrive. Je l'ai si tu veux. Alors, vas-y. Quel est le dernier livre que tu as lu? Eh, tu vois, c'est tu veux vraiment le savoir? Bah écoute, c'est ce qu'il y a sur le... On répond pas à une question par une autre question. La panoptique de Foucault. Non, c'est l'espace public de Werner Miège. Et ça parle de quoi, alors? De l'espace public et de la fragmentation de l'espace public avec le développement des nouvelles technologies de la communication. Et c'est édité chez Plon. Plon. Ouais, c'est parlons d'autre chez chose. Plon. Parlons d'autre chose. Voilà. J'adore comment il te dit ça. Ah, mais c'est bon. Monsieur Noé. Eh bien, petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai là, tu ne seras que le second, du coup, je choisis le numéro 1. Ah, ah. Mais slip ou caleçon? Slip ou caleçon? Oui. Oh, non, alors, non. Alors bah, quels sont les gars? Quels sont les gars? Un bon calcif. Okay. Un bon calbar. Moi, je trouve cette question un peu trop clivante. Oui. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis plutôt team boxer. Oui, moi, je suis boxer aussi. Donc, ah oui. Moi, je suis oui, c'est je vrai suis que caleçon c'est un petit peu lâche. Large, oui et lâche. Caleçon c'est un peu genre série américaine quoi. Ouais. Quoi qu'on en dise. Oh bah, dise, non non, eh, franchement c'est agréable, ça peut baloter tranquillou. Oui, mais le personne le boxer il retient un petit peu les couilles quand même. Ouais mais boxer non, il y a un côté ça maintient, ça maintient le côté rigide qui colle un peu. Caleçon et jeans serré, c'est bien. Écoutez, un Mac comme l'agence de Daesh. Un Mac à couilles. Un Mac à couilles. Un Mac assis et un Mac à couilles. Ben maintenant. Ah, très bonne rubrique. Là, on a fait 17 secondes, je crois. Oui, c'est encore mieux. Encore mieux. C'était qu'avant. Laconique. Comme... La prochaine fois, on fera 3 secondes. La prochaine fois, on dira merde. Tu fais chier. Chier la prochaine fois, on dira tu fais chier. Ouais. Ça ira plus vite. Et maintenant, pour conclure cet épisode, bah, ça va être l'épisode de le quiz de Toshop, bien évidemment, sur la NHL. T'as fait un jingle ou... Et j'ai fait un jingle. Et j'ai relancé le jingle palette. Donc normalement, ça devrait être bon. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui... Allez. Allez, ah. Bon bah ça sera un roule avec Tocheur. Hein. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord, hein, c'est pas mal. Oui, ah, l'explosion, j'attendais pas. Moi j'attendais le coup de démarrage. Je remettrai un petit peu plus fort. Oui, non, mais j'étais un petit peu inspiré, puis j'ai pas eu le temps de. J'avoue que je m'attendais à un truc bien. Ouais. Oh, c'est moche. Je m'attendais à un truc bien. Ça partait bien. J'étais déçu. J'étais vaguement. Allez, chers amis sociétaires, chers invités, putain, je vous jure, ça me fait tout drôle de dire ça, et en même temps, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Nemo quand je fais ma chronique. Chers auditeurs, vous connaissez tous mon goût pour le hockey sur glace, hein, et puis si vous le saviez pas, ben maintenant, voilà, vous êtes au courant. Mais non, c'est fait. Ici, à Castres, en Occitanie, terre d'Ovalie, s'il en est, où sortir le casque à pointe pour aller à la mine est un sacerdoce d'avant, le raflu, un art mêlant puissante ses maîtrises pour les ailiers, une 89, un préliminaire à l'extase et reléguant le 69 aux oubliettes, hein, vous noterez l'accent. Voilà, oui, ici, à Castres, est-ce qu'il est possible d'y implanter un germe de hockey? Oui. Étant donné qu'il y a une patinoire à Castres. C'est vrai. Il y a une patinoire à Castres. Première nouvelle, et comment ils s'appellent, les petits joueurs de Castres? Il n'y en a pas. Très bien. C'est très bien, c'est très bien. En même temps, les castrés à Castres, franchement, pour faire du hockey, perso, j'y crois pas. Voilà. Les eunuques de Castres. Ah. Oh, non. J'irai pas jusque-là. Parce du coup, que... je t'interromps un petit peu. C'est une enculerie ou c'est un vrai quiz? Ah non, c'est un vrai quiz. Parce que là, ça part en dossier puis en enculerie. Non, en non, fait, là, on est juste en introduction, mais à la Gandalf. Voilà. Une enculerie, quoi. À la sauce occitanienne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous connaissez du hockey? Est-ce que vous en connaissez assez pour mériter mon estime? Laurent Wauquiez. Attends, je te mets un petit jingle en retard. Voilà, Laurent Wauquiez. On va voir ça tout de suite en reprenant un petit quiz avec les basiques du hockey sur glace, hein, bien sûr. Et après, on va commencer par attaquer quand même ce qui est le top du top, la NHL. Et pour cette session, je vous demande de buzzer une fois que j'ai fini ma question et en prononçant votre nom. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Et est-ce qu'il faut que tu notes les points ou... Normalement, j'ai prévu un petit papier où j'ai tout... Ouais, c'est bon, j'y suis. Est-ce que le stylo va vouloir fonctionner ? Oui, il a l'air bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, ouais, capitaine. Putain, je l'ai bien fait aussi. Ouais, capitaine, c'est un C sur Captain Rémy, c'est un C sur le chandail, ça, les gars. Attention. Alors pour ce, allez, parce que vous êtes gentils, moi je prends le C du capitaine et il me faut deux assistants dans l'équipe et on va prendre les deux invités aujourd'hui. On va prendre Péremptoire et Noé. Donc vous mettez un A sur le chandail. Hein, c'est comme ça qu'on dit chez nos cousins québécois ou aux Canadiens. Chandail. Voilà, ouais, c'est le chandail. Donc, capitaine, c'est moi qui parle avec l'arbitre. Et comme l'arbitre, c'est moi, c'est bien, je vais pas avoir de mal. Je vais pouvoir en parler tout seul. Ça. Ouais, non, mais on est beaucoup dans ma tête. Généralement, ça se passe bien, je te rassure. Ça se passe bien, et si vous avez un problème, il n'y a que les deux assistants qui sont autorisés à porter réclamation. Voilà. Est-ce que tout le monde. Non, alors ça, par contre, on discute pas comme ça. Voilà. Sinon, c'est 2 minutes et puis tu vas en prison. Alors, pour commencer, hein, on va aller... C'est pour Prison School, moi, je viens la prison. Voilà. On va aller directement voir si vraiment vous êtes à l'affût, au basique. Pour commencer, pour un point, qui c'est qui peut me dire le nom du lieu qui accueille un match de hockey sur glace ? Une patinoire. Non, je rappelle. Azertov, patinoire. Voilà, tu vois, quand tu veux, hein, finalement, oui, c'est j'ai pas j'ai écouté, même si je suis pas... Il est pas attentif, mais il écoute. Ouais. Ok, c'est bien. Donc, de ce côté-là, tout le monde l'avait, la patinoire, c'est juste le plus rapide. C'est bizarre, c'est parce que le plus rapide, je m'attendais à ce que ce soit Bernard. Mais bon, c'est pas grave. Allez, pour 2 points. Combien de joueurs, gardiens compris, s'affrontent sur la glace à l'entame d'une partie ? Et on compte bien sûr les deux équipes. Noé. 9. Non. Il reste au BP. On compte tous les joueurs, Asto. Y compris le gardien, les deux équipes. Mais 18 alors. Non. Asto. Sur la glace. Oui. Asto. 12. Oui. Est-ce que tu peux me donner le détail ? Un gardien, 5 joueurs et de multiplier par 2. Voilà. Très bien. Et voilà. Il y en a un petit peu qui réfléchit, ça fait plaisir. Ou qui s'intéresse. Je ne peux pas être à 18 sur une patinoire comme ça, c'est impossible. Si, tu peux, mais franchement, ça s'appelle une mêlée générale. C'est un peu comme au rugby, mais sur la glace. Mêlée ! Entre nous, t'as déjà pété quelques dents. Ouais. T'as déjà quelques dents. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Ok, allez, 2 points toujours. Pour combien de périodes de jeu distinctes se compose une partie de hockey sur glace dans le temps réglementaire ? Ok. 2 fois 20. Non. Ah. Noé. Oui. 3. 3 fois quoi ? 3 fois 20. Ouais. C'est ça. Par contre, si vous pouvez arrêter de regarder mon écran, ça m'arrange. Non, je t'assure que je n'ai pas regardé. Mais non, t'avais complètement raison. Ensuite, donc, on est à 6 contre 6 pendant 3 fois 20. C'est bien, ok. Maintenant, le hockey sur glace, ça se joue avec une crosse et le but du jeu, c'est quand même de mettre une rondelle au fond d'un filet, hein, et non pas de défoncer la rondelle, Gandalf, hein, parce que je te vois avec tes grands yeux, là, franchement. C'est du rondelle. Est-ce que quelqu'un sait, pour 3 points, me donner la dimension et le poids d'une rondelle ? Oui, c'est qui s'appelle ça, là-bas, okay, bah, c'est la rondelle. Au hockey sur glace. La rondelle. Oh, allez, c'est parti. Une rondelle de 14. Non, j'ai pas. Pépé, 1 cm, 100 grammes. 20 cm, 400 grammes. On donne la dimension, le rayon ou le diamètre ? Le diamètre. Le diamètre. Oui. On va dire 12 de diamètre ? Non. J'aurais dit moins. Moins ? Azertov, on est moins en diamètre, oui. Moi j'aurais dit 7 de diamètre, tu vois. C'est petit un peu, hein, c'est comme ça. Hein. Ah, on n'est pas loin. J'aurais dit 7-8 de diamètre. Ouais, ok. Ah. Ok, non, je veux dire 7. On va rester sur le 7-8 de diamètre. En fait, le diamètre, c'est 7,62. Ok. Ah ouais, c'est 3 pouces. Réfléchissez, enfin, essayez de raisonner en termes d'armes américaines. En hauteur, c'est comme ça. Du coup, ça doit faire 1,5 cm, 2 cm. Ouais, 1,5 de hauteur. Non. Raisonnez en normes nord-américaines. 1 pouce de hauteur, 1 inch. Ouais, 1 pouce. On est à 2,54 d'épaisseur. 1 inch. Donc allez, on va partager, on va mettre un, ah oui, un petit ça, point. Ça c'est un travail d'équipe à mon avis. Un petit point Gandalf, un petit point. Alors du coup le poids ça va être un peu le même délire aussi, ça va être un. Bah c'est entre 156 et 170 grammes très exactement. Ah je voyais ça beaucoup plus loin. Et est-ce que les, genre les pucks ils sont pesés, mesurés alors ils sont pesés, ils sont mesurés, c'est du caoutchouc vulcanisé. Et c'est pesé, c'est mesuré, c'est estampillé NHL. Il y en a même qui certains clubs qui les font marquer pour chaque match de la saison de NHL. C'est-à-dire que, par exemple, les Flyers, hein, parce que je ne suis pas du tout de parti pris, fait estampiller tous ces pucks de la rencontre dans laquelle ils sont joués. Comme voilà. Ça, il n'y a pas de chichi. Ouais. Non, il n'y a pas de chichi. Tout le monde est d'accord, on est d'accord. En Suisse romande, c'est le terme puck hein, qui est retenu. Avant de dire puck, on disait poc. Poc. Avec l'accent, ouais, c'était une poc. Et au Canada, c'est la rondelle. Hein. Voilà. Voilà. Et puis chez nous, c'est le palais. Tout simplement. Alors le palais, côté, pas le palais, AIS. Il hein, y a quelques dyslexiques dans l'auditoire, mais c'est pas grave. Voilà. On a intégré le plus gros du jeu. Hein. On est 6 contre 6, un gardien, une rondelle au milieu. Ça fait très Monsieur Flap. Hein, mais bon. Oui. voilà. Et on va revenir, on va arriver au gardien maintenant. C'est un peu technique, hein, mais c'est pas grave. Il n'en aurait que plus d'orgueil à trouver la bonne réponse. Quelle partie du haut du corps de l'équipement du gardien sert à dévier les tirs, attention, pas à les arrêter, mais à les dévier lorsqu'il prend un lancer face à lui. Du haut du corps. Ouais. Azertov. Non. C'est un élément d'équipement ah, oui. qui porte un nom un peu particulier. Les gants. Enfin, non. Alors, le gant, si c'est juste pour t'aiguiller, c'est que généralement t'es droitier ou gaucher. Hein, t'as toujours une main qui attrape, un peu comme au baseball. C'est toi, soit t'es droitier, soit t'es gaucher, et tu attrapes ça avec une mitaine. Donc okay. C'est vraiment typé sur le gant de baseball où tu as une cage à l'arrière du gant qui est plus grand. Et justement, on parle de la partie qui est sur l'autre bras. Sur l'autre point, ok. Et qui s'appelle le... qui tac... Ouais. Okay. Il y a de deux dénominations. Que tu as sur tout l'avant-bras. Ah, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le sorte de coussin, enfin le... Ouais, c'est un peu rembourré. Okay. Il y a une surface dure et ça sert justement à dévier plus que stopper. C'est un brassard? Non, c'est pas un brassard. Comment dire... Ça commence par un... Alors, il y a deux appellations. Une qui commence par un B et une qui commence par un P. Le prout. Non, les prouts, c'est un moi. Bouclier. Oui, c'est ce que un protège. Le bouclier. Oui, c'est une bonne réponse pour Asto. C'est une bonne réponse. Et sinon, on appelle ça aussi un plateau. Voilà, c'est une plaque bois qu'on a sur l'avant-bras et qui nous sert justement à dévier les palais. Et c'est en bois? Non, généralement, c'est... Tu sens pas, quoi. Vraiment très bien renforcé. Randall avait les épaulettes, mais non, c'est pas ça, du coup. Les épaulettes. Alors, j'ai pas le visu sur le chat, donc s'il y a de la réponse sur le chat, je veux bien que tu fasses le relais. Je te mets le retour. Je vais le laisser... Ok, allez, pour reprendre un petit peu confiance avant d'attaquer vraiment le cœur du sport, hein, qui est la NHL, parce qu'on va pas se mentir, hein, la Magnus, c'est un peu pour les lopettes. Pour un point et reprendre confiance... Le nom usuel qu'on utilise pour dénommer le bâton qui sert justement à manipuler cette rondelle. Noé. Oui. La crosse. Voilà, ah oui. C'est bien. Hey, il est bien le petit Noé, il est bien, j'aime bien, je le sens bien. Il est bien. Il est bien. Sinon, le hockey en lui-même, généralement au Canada, aux États-Unis, c'est la dénomination justement pour ce bâton, cool. Ce fameux bâton qui est courbé. Dont j'ai pas les mesures en tête, je sais pas s'il y a une question derrière. Donc et sur le chat, pas... Randall avait aussi la crosse. Ouais. Mais tiens, on va faire jouer Randall. Donc, enfin, Randall... Mets le chat directement. Le chat. Tu regardes, attends. Enfin, après, je. Tu veux interagir. T'inquiète, moi non plus. Oui, parce qu'il disait il connaît rien, mais je tente. Ouais, mais il a bien raison. Il a bien raison. Des fois, le hockey, c'est juste plein de bon sens. Et tu vas voir que le bon sens, en fait, il est plus chez les Canadiens que chez nous. Ok, bien, allez. Bon, ça va, jusque-là, tout le monde suit. Qu'est-ce qu'on fait? On répète, on joue sur une patinoire, sur une glace, à 6 contre 6. 3 avant. deux défenseurs, un gardien de but qui a une mitaine et un plateau. Jusque-là, tout va bien. Avec une crosse. Enfin, avec une crosse. Il y a une différenciation d'ailleurs qui est à noter entre la crosse du gardien qui est un peu plus épaisse au niveau du manche et la crosse du joueur. Est-ce qu'on peut passer maintenant sur la vraie ligue hein, celle qui régit les lois du hockey, hein, n'ayez pas peur des mots. On va passer à la NHL. D'accord. Du coup, tu vas expliquer ce que ça veut dire NHL ou pas du tout? Eh ben voilà, pour deux points, s'il y en a un qui sait National, me donner... National Hockey League, non? Mais c'est bien, mais le problème, c'est que t'as pas buzzé avec ton... Alors, Azertov... Tu vois, je pourrais même te retirer des points si j'étais content. Azertov National Hockey League. Voilà. Tiens, j'ai des points. Mais comme je suis pas un gros con, mine de rien, je vais mettre un point à Azertov et un point à Noé. National Hockey League, Ligue Nationale de Hockey pour nos amis canadiens, pour nos cousins. Et Randall l'avait aussi. Donc je mets un petit point à Randall, parce que ça va être compliqué de buzzer pour lui. Randall. Vas-y, mets-lui un National point. Hockey League, Ligue Nationale de Hockey, pour un point, combien de pays, raisonnablement, peuvent héberger cette compétition? Sachant qu'il y a au moins deux dénominations. Noé. Oui. USA, Canada. Oui. Deux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas tout. Si. Bah, si. Ah, il y a que ça. On va s'arrêter là, oui. Ah ouais. Ah, ouais. J'aurais mis l'Inde, moi aussi, parce que... Tu aurais mis l'Inde. Non, l'Inde, c'est pas le hockey. Mais c'est... Ouais, bah, sur gazon. Tu confonds avec le hockey sur gazon. Oui. Et effectivement, l'Inde, le Pakistan sont des très très grandes nations de hockey sur gazon. Mais ça, c'est du plus à l'aspect colonialiste de nos meilleurs ennemis, les Anglais. Que j'emmerde. Les Anglais. Oh oui, non, oui, mais c'est... je pouvais pas. Honnêtement, je peux pas. Je peux pas les voir. Donc, oui, voilà. Ça s'appelle comment le... Il n'y a pas un nom spécifique pour le hockey sur glaçon? Le lacrosse, il n'y a pas un truc comme ça? Non, alors lacrosse, là, on va rentrer dans les dérivés du hockey et, sans venir forcément sur le hockey sur glace. J'ai lu très récemment un article sur l'excellent site Hockey Archive. Où on parle des origines, tout le monde se dispute forcément la paternité du hockey sur glace, sachant que le hockey sur glace n'est jamais qu'une déformation du hurling, de la crosse, de deux ou trois sports nordiques, et les premières traces en fait de jeux palais sur une entité glacée viendraient en fait de Hollande. Okay. Voilà. Pas mais François, hein, parce que pas assez intelligent pour ça. Mais pas Alex non plus. Mais non, voilà. Donc il y a quand même énormément de dérivés de jeux de crosse. Oui. Et d'ailleurs, le golf ne serait juste qu'un dérivé de tout ça. Oui, enfin, au lieu de lancer comme ça, tu lances comme ça, quoi. Oui. Sinon, on a la crosse. Dans les pays gaéliques, en Irlande, on a un truc qui se joue avec... une raquette, une espèce de filet où il faut mettre ça dans un but, tout lancer comme tout ça, simplement, ouais. Ouais, voilà. Oui, donc, c'est quand tu lances. Le lacrosse aussi. Il y a un très bon documentaire sur internet aussi, sur YouTube, qui a été fait là-dessus. Voilà. Oui, j'avais vu un truc comme ça. Donc deux pays, donc forcément il va falloir des représentants de chaque nation là-dedans. Et exactement à ce jour, savez-vous me dire combien il y a d'équipes qui se disputent le trophée qu'on met au bout de la NHL? Azertov. Alors on va mettre ça. 250 et ça fait 250. Après. Non. C'est beaucoup la NHL. Plus ou moins. Ah, on est à moins. On est à moins. Par équipe sur deux pays. On n'est pas équipe sur deux pays. Tu m'as dit tout à l'heure alors. Ah oui, non, mais oui, on m'a dit. Asto. Oui. On va dire 20. On va dire plus. Non, mais. Ah, c'est plus. Alors Azertov. Donc je compte un pays, donc une équipe par ville des États-Unis plus un petit peu plus pour le Canada, je dirais 70. Bon. Non, on est sur moins. Donc pour un rappel, on est à plus de 20 et à moins de 70. Les États-Unis. Il me semble que tu m'as dit ça tout à l'heure. Les États-Unis, tu dois avoir tout le nord, genre Chicago, enfin par là, tu vois. Oui, donc tu comptes à peu près un tiers. Seattle ou une équipe. Seattle n'a pas d'équipe. Seattle fait l'actualité où on est susceptible d'avoir une équipe qui pourrait arriver dans une draft d'expansion. Randall, avec éventuellement comme un copropriétaire Jerry Bruckheimer. Randall 40. Randall se rapproche, mais on est un tout petit peu en dessous. En dessous. Oui. Azertov 50. Oui, en dessous de 40, 50. Ah sûr. Non, on est un petit peu en dessous dans la proposition. Je pensais que c'était dans, en dessous de la balance. En dessous de 40. 35. On se rapproche encore. Donc on est entre 20 et 35 maintenant. Azertov, 30. On se rapproche toujours, mais c'est plus. Ah, je pense que c'est. Azertov, 34, je pense que c'est non. 34. Non. 33. Non. Moins. 32. Non. Ah, même pas. Ah bah là, on est entre 30 et 32. Ah bah 30. Ah, ça va être chiffre 31. 31 pour Azertov. Ah, c'est impair. C'est impair, oui. Et c'est impair depuis cette année, puisqu'ils ont rentré. Ils ont rentré, ils ont fait une draft d'expansion et ils ont ouvert un marché à Las Vegas. Voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, oui. En plein désert. Il y a beaucoup de glace là-bas pour toi. Non, mais après, vu que c'est on va dire un gros pôle de jeu, voilà. Ça peut se comprendre. D'entertainment, le... surtout, moi j'appellerais ça. Oui, dans d'entertainment. Voilà, c'est une démarche qui a fait une énorme politique. Et puis, il y a vachement de sous. Auprès de tous les sous, donc oui. On est dans une démarche qui a fait une grosse politique auprès de tous les partisans de hockey sur glace. Parce qu'est-ce qu'il y a du coup, il y a des équipes. Les franchises historiques qui sont prêtes à être. À accueillir une nouvelle équipe et qui n'attendent que ça, ne serait-ce qu'en termes de rivalité, c'est Québec. Voilà, les Nordiques de Québec ont toujours eu une grosse équipe. Ouais. Les affrontements contre Montréal, l'ennemi historique, s'ils sont du même patelin, hein, un peu de choses près, les Canadiens ramenés à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'est pas très long. C'est de la folie. Mais il y a, regardez sur Internet, regardez des vidéos nordiques contre Canadiens, vous allez voir. Ça se passe très rarement, très très bien. Il y a des matchs de play-off qui finissent en mêlée générale uniquement parce qu'il y a une identité à défendre. Et aujourd'hui, on est à faire des drafts d'expansion dans l'ouest des États-Unis, en plein désert, à Las Vegas. Voilà. Mmh. Parce qu'il y a d'autres équipes dans ce coin-là, du coup, par rapport à les Coyotes de l'Arizona qui jouent à Glendale, en Arizona, qui ont la plus petite affluence de toute la ligue. Et encore, je crois qu'ils doivent se la disputer en termes d'affluence avec Florida, qui est. Florida, je crois. Tout simplement. Pour faire une correspondance avec le bobsleigh, c'est un petit peu. Rocket, Ah ouais, c'est Rasta Rocket. Rocket League. C'est Rasta Rocket. Rasta Rocket. Ouais, c'est un petit peu. Voilà, Rasta Rocket. Ça m'étonne moyen en fait. Donc le 31, c'est Gandalf qui nous l'a donné, c'est ça? Non, c'était. C'est moi. Ah, c'est Azertov, pardon. Allez, hop. Il n'y a pas de balle. Ok, ok. C'est très bien. Alors, aujourd'hui, on est à 31 équipes. Ouais. Par contre, maintenant, je vais vous demander à l'origine, puisqu'il y a toujours une création. La forme moderne est à 31. Avant, quand on a commencé, on était à combien? L'année de création. Je me suis fait spoil en fait tout à l'heure. Oui, tu t'es fait spoil, mais c'était pour savoir si tu avais une bonne mémoire. Bah, je m'en souviens. Ouais. L'année de création, tu veux dire? Non, je vous demande à l'origine combien il y avait d'équipes qu'on appelle aujourd'hui The Originals qui ont formé ce qu'on appelle la Ligue Norris. Alors, juste avant, Randall sur le chat, il propose 4. 4. Randall est pas loin, mais on n'y est pas. Ah oui, c'est ça. J'aurais dit 7. Il est pas loin et il est plus proche que Randall, mais on n'y est pas encore. Ah. Il propose 6 sur le chat. Randall. Eh bien, c'est. Ah, que 6 point pour Randall. C'est exactement ça. Alors, à tort, on les appelle les Original 6. Hein? D'accord. Mais ça a été formé d'équipes qui se sont créées, qui ont disparu et qui sont parties. À la base, on avait les Canadiens de Montréal, qui est toujours une équipe actuelle. On avait. Les Maple Leafs de Toronto, qui est toujours l'équipe. On avait les Red Wings de Détroit, les Bruins de Boston, les Rangers de New York et les Blackhawks de Chicago. Voilà, ça, c'est les 6 équipes qui ont contribué à la création de la ligue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce qu'il y a pour la petite histoire, c'est que c'était une ligue à part. Et on a écarté volontairement, lors d'une réunion en 1917, je crois, un des présidents d'un club de Toronto ou d'Ottawa, Toronto, qui cassait les couilles à tout le monde. Et un journaliste, quand il a compris qu'il y avait une réunion et qu'il y avait quelque chose qui se passait, quand tout le monde est sorti de l'hôtel, il a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y en a un, il a fait « Non, rien de bien grave. Vous inquiétez pas, on a juste parlé hockey. » Et aujourd'hui, on est dans la plus grande ligue de hockey du monde. Voilà. C'est tout simplement, c'est la méthode américaine pour écarter quelqu'un. Voilà. Ça va, tout le monde suit? Oui. Péremptoire, il est à l'ouest. Là. Non, là, complètement je... à l'ouest. J'ai pas suivi dès le début. Il est tard, il fait soir. Juste pour finir, le petit mot sur la NHL, c'est que justement, à cette date-là, on a créé la National Hockey League. Ouais. Sur ces 6 équipes, il y en a 4 dont les propriétaires étaient la famille Norris. Et en fait, on a appelé ça par... Oui, par dérivé. Par dérision, Norris House League. Ah, oui. La ligue de la maison Norris. Oui, bah oui. Voilà. Oui, parce qu'ils ont plus que la majorité. Ah, mais là, c'était plus qu'un monopole, mais... On va voir ensuite que c'est la naissance de la professionnalisation. Parce que là, on est dans les années 40, mais on est déjà rentré dans des époques où les joueurs négocient leurs contrats, négocient leur image, négocient plein de choses juste pour pouvoir faire du hockey sur glace. Mmh. On est vraiment rentré dans une période où le hockey, c'est vraiment une mentalité. Voilà. Bah, donc, du coup, on est en 1942. Mmh. On crée... On intronise les nationales, les 6 équipes originales. Donc du coup, en quelle année va avoir lieu la première expansion de ligue si on sait que ça va durer 25 ans à partir de la création avec les 6 originales? Tu veux dire que 25 ans, il n'y a eu que les 6? Je veux dire en 48. Pendant 25 ans, on a eu que les 6 équipes qui se disputent le trophée. En 48. Ouais, à part 25 ans. Donc, ouais. Plus 27. Donc c'est forcément 67. À partir de 67. Bah, c'est bien, il y en a un qui s'est compté et rapidement autour de la table. Bah, c'est le petit Asno. Ah ouais, putain, j'aurais pas cru, tu vois. Mais t'aurais pas dit plus 25, j'aurais dit genre 45. Quoi. Ouais, mais j'aurais dit 48, tu vois. 48, ça me paraissait. Genre après la guerre. 25 ans. Alors, quand on voit le rythme de croissance de la NHL aujourd'hui, où on prend quasiment une équipe, voire deux, voire trois, des fois selon les drafts. Tous les 3, 4, 5, 6 ans. Oui, part en 25 ans avant de c'est rentrer énorme. Seulement 6 équipes, mais c'est énorme. C'est, bah, ouais. c'est un peu à l'image des États-Unis au moment où ils commencent à avoir envie de se réveiller, pim, ça y est, on est tout en branle. Ouais, ça veut dire qu'ils ont fait que 25 ans avec 6 équipes. Ouais. Pour une ligue, on va dire, c'était quand même une ligue majeure. Hein. C'était une ligue professionnelle. Mais attention, Ligue Pro avec 6 après ce qu'il faut ouais, placer, beaucoup, après ce qu'il faut, quoi. Non non, mais après ce qu'il enfin, faut placer ça fait dans pas le contexte sur les équipes, mais ça fait long sur la période quoi. Oui, mais ce qu'il faut replacer dans le contexte, c'est qu'en Amérique du Nord, tu as la NHL, mais ouais. Tu as plein de ligues mineures. Ah oui, oui, qui, pas, oui, qui alimentent le championnat. Tu as des ligues dans la région d'Ottawa, tu as des ligues dans la région de Winnipeg, dans la région de d'Edmonton. Voilà, tout ça, c'est des ligues c'est qui vivent ligue un tout petit qui, peu qui à côté. La grosse ligue. Voilà. Oui, okay, et oui, puis oui. Après, il y en a un, tu sais, comme Monsieur Ford qui va avoir l'idée d'industrialiser le truc de la voiture. Mais il y en a un, il va arriver, il va dire, il y a un petit peu de blé à se faire, et puis en plus, on va faire du spectacle. Ouais. On va démocratiser le truc. Voilà, et c'est à partir de là où il s'est dit, mais 6 équipes, c'est un peu chiant parce que c'est clivant. Et oui, puis, c'est toujours les mêmes, mais il n'y a pas beaucoup de billetterie. Donc, du coup, ça fait pas beaucoup de billetterie en plus. Bah, tu sais, en 1942, franchement, je sais pas si leur préoccupation, c'est la billetterie. Non, oui, c'est sûr. Hein? Déjà, ils ont du mal avec. Donc, en 67, qui est-ce qu'on fait rentrer? On fait rentrer des équipes de l'Ouest, on fait rentrer les North Stars du Minnesota, d'accord? On fait rentrer les Kings de Los Angeles. Ouais. Dont on entendra parler beaucoup plus tard et même jusqu'à récemment parce qu'ils ont gagné quelques trophées. Les Flyers de Philadelphie, bien sûr, forcément les fameux. Leur rival de toujours, les Pittsburgh Penguins. Ah oui. D'accord. Et juste parce qu'ils avaient le blues et que je pense qu'ils voulaient se donner de bonne conscience, les Blues de Saint-Louis. Voilà. Saint-Louis, c'est toujours été une grosse équipe des équipes USA, quoi. Ah. Fait que des équipes. Ouais, mais jusque-là, on était, donc de mémoire, on était avec une seule équipe canadienne qui était les Canadiens de Montréal. Et Toronto, t'avais pas dit Toronto Toronto, ils faisaient pas partie. Ils s'étaient fait sortir de la région. Ils s'étaient fait sortir. Mais je sais pas, genre Vancouver ou. Vancouver, tout ça, c'est venu, paradoxalement, c'est venu bien après. Il y a Randall sur le flag. Je propose les Kinder Penguins. Mais ça pourrait. Voilà. On en était où? On était en 1967 et avec l'intégration des 6 ligues. Alors, je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que la NHL. Ouais. Elle était un tout petit peu en concurrence avec une autre ligue qui s'appelait l'Association Mondiale de Hockey, l'AMH, qui était sa concurrente directe dans les années 70. Hein, donc on a un tout petit peu avancé. Cette ligue-là voulait venir en concurrence parce que forcément ils ont senti qu'il y avait un petit peu de blé à se faire. Mmh. Donc ils se sont dit, bon attends, bah, on va se monter nos équipes, on va se monter notre ligue. Mmh. Et puis mine de rien, ils ont fait quand même éclore des joueurs les plus fabuleux. Cette ligue a été absorbée, fusionnée, moi je dirais qu'elle s'est juste faite acheter. Bouffée. Mais elle nous a quand même donné le plus grand joueur de la ligue de tous les temps. Et est-ce que vous saurez me donner son nom? Zizou. c'est pas Zizou. Il a gagné. Voilà, ça c'est mon pépé, comme dirait Monsieur Cobal. Comment t'as dit? Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, le Canadien de son état. Il avait joué de PS1 à son nom. Alors. Oui, c'est vrai. Ça y est, maintenant, exactement. Moi, mon jeu Sega Saturn qui s'appelle NHL. Ok. John Alumu Rugby. Ouais, ça pourrait. Alors, c'était pas un gros gabarit, ouais. Très sincèrement. C'est un joueur qui a bénéficié à l'époque d'où il jouait de ce qu'on appelait les Enforcers. Les Goons, c'est les mecs qui venaient protéger les joueurs qui avaient. Ah, qu'on pouvait encore. Ouais, c'est à l'époque où on pouvait encore se mettre 2-3 chics dans la tête, comme au rugby. Hein, ouais, voilà. Voilà, vous avez juste quoi, 70 ans de retard. C'est un peu les cogneurs au beach, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Wayne Gretzky, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur pointeur de tous les temps, ah oui, avec plus de 900 points, 100 buts et 700 passes d'avance sur ses suivants. Oui. À sachant qu'en plus, putain, même avec tout ça, il devait jouer. Techniquement, il devait jouer moins de matchs en plus. Et, du coup, c'est non, il jouait le même nombre de matchs. Ah ouais, dans les passes, c'est les passes d'un qui fait mon. Ah oui, qui voilà, marquer les points dans directement. Ok, on compte le buteur. Ouais. Et on compte les deux assistants. Les deux assistants, c'est ceux qui ont fait les deux dernières passes. Ok, oui. Voilà. Un gardien, le deuxième assistant. Tu fais une relance du gardien au joueur de champ et du joueur de champ au buteur. Le gardien est le deuxième assistant. Oui. En fait, c'est les deux derniers joueurs qui ont touché avant le. Ouais. De la même équipe. Voilà. Donc, cette chance, ça fait. C'est énorme. Ça fait beaucoup. Ça fait énormément c'est de Brian O'Driscoll. C'est le Brian O'Driscoll. On est d'accord, ok, un but c'est un point, hein. C'est tout. Un but c'est un point. Voilà. Oui, ouais, donc ça fait. Puis ça se termine pas en 15-23 des matchs de hockey, c'est plus. Ça peut, ça peut. Moi j'ai vu, honnêtement, j'ai vu des matchs dernièrement dans des ligues mondiales de deuxième zone, hein, mais c'est pas une honte que de dire que c'est de la deuxième zone, hein. La France y est passée. Où j'ai vu, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande qui a pris 24-0 contre une équipe junior du Canada. Ouais, mais après, je veux dire, c'est plus sur des 5-3 ou des trucs comme ça, non? Tu peux avoir de tout. En Ligue nationale de hockey, début de saison, les Canadiens de Montréal, ils ont pris 10-0. Ah oui, ça c'est pique. Pas t'es en NHL, c'est comme. C'est un petit peu si. Tiens, je vais faire appel. Non, t'étais peut-être pas né. Moi, je me souviens d'avoir vu à la télé un Monaco-Bordeaux où Bordeaux a pris un 9-0 ou un 9-1 à Monaco. Voilà, ça fait à peu près le même effet. Mais c'est pas l'habitude, tu vois. On veut dire, un score de foot habituel, ça va être, je sais pas, 2-0, partout, 2-1. C'est le score le plus rapide du monde. À 15 secondes de la fin, tu peux être mené 2-1 et gagner 4-1. Ouais, ça c'est vachement rapide. Oui, c'est affolant. Alors sur le chat, il y a Randall Fleck qui fait Toshu qui troll le rugby alors que dans son sport est tellement douillé qu'on met des casques et des protections. Ouais, bah écoute, quand on se verra à Podren, mets des rollers et puis viens me voir. Mets des rollers. En ligne ou en 4? Non, alors les rollers, pas des patins rouges. Les 4, les quads là, je les laisse à Grincheux, hein, et puis qu'il aille faire du roller derby si ça lui chante. Mais, c'est un truc de fille, mais, ça. Tu sais que le roller derby, mine c'est de bien. Rien, c'est surtout quand c'est mal fait, c'est très bien. Alors, je rebondis par rapport à un enregistrement que tu avais fait avec Jean-Jean où il parlait de faire du roller derby. Oui. Et est-ce que du coup, il en a fait ou... À ma connaissance, il en a pas fait. Il en a pas fait. De ce que je sais, on n'a qu'une seule équipe qui est à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, qui a une équipe de roller derby. Après, c'est pas mon truc, c'est pas mon trip, donc je développerai pas plus. Mais de ce que j'en sais, attention, c'est il y a une vraie maîtrise du roller, du patinage. Et déjà, si tu veux pas te faire mal, il y a certaines capacités à passer. Après, c'est pas un sport de les filles font beaucoup de filles font du roller j'ai jamais vu de roller derby. Mais honnêtement, je te jure, moi, tu les mets dans une mêlée, je rigolerais, je n'irais pas avec elle. Mais c'est pareil sur je le. Je crois que c'est un sport exclusivement féminin. J'ai jamais vu de roller derby masculin. Comment ça s'appelle où ils font des tours en roller? C'est le roller derby. C'est le roller derby où t'as un jammer qui doit pas voir devant les filles d'en face. De l'équipe d'en face. C'était dans. Il y avait. Ah oui, c'est un vieux film. Non, il y a un indécé où ils ont invité des roller derby où j'avais. C'était une fille d'une équipe de Paris. Mais il y avait d'ailleurs il y avait un film dans les années 60, Rollerball, avec celui qui joue à il est pas terrible. Il est pas terrible. C'est un super réalisateur qui l'a fait en France. C'était Jean Reno qui nous fasse une reprise, c'est ça Comment il s'appelle Luca Cafignantol en plus. Avec le gars qui finit la tête dans la rigole. Norman Jameson. Ah, c'est celui-là. Parce que t'as un remake. Je confonds avec le remake du Roller. Oui, parce que celui qui a été fait. C'était un très bon film. Moi, que moi j'adore. Predator, c'est qui déjà? C'est. Lequel? Le Predator là. Le premier? En même temps, il y en a qu'un. Si, il a fini du Roller des rugby. Le 2, c'est pas mal. J'ai pas compris. Le 2, sympa. Le Predator 2. Oui. Un peu dans la suite logique du film. Ouais, voilà, il peut finir. Donc, Wayne Gretzky, meilleur joueur de tous les temps. Dans notre livre à nous, hockeyeur, c'est quand même 2857 points, c'est 894 buts, 1963 passes, pour seulement, moi je mets seulement entre guillemets, 1487 parties officielles enregistrées. Et là on n'est que dans les saisons régulières, on n'est pas dans les playoffs. Et dans les points, qu'est-ce qui est compté dans les points? Le but et les passes. Et l'assist. L'assistant, d'accord. Donc, c'est les deux derniers qui ont mis le. Voilà. Qui ont passé le palier. Il a fait au moins une passe et il a marqué au moins un but. Ouais, passeur décisif. Okay. Ouais, on dépasse 2000... 3000 points. C'est fou quand même. En tout, on dépasse 3000 points avec les playoffs. Et il y a 2000 sur le premier truc. Donc, c'est en passe décisive et. Saison régulière, ouais. Donc, il a 894 buts et presque 2000 passes. Enfin, quand on connaît la difficulté et la vitesse où ça joue au hockey. Je peux vous garantir que ce record-là, avant d'être égalé, même avec l'ère moderne, enfin surtout même avec l'ère moderne, un 13 ans de tennis, je pense que jamais on pourrait. Et pourtant, 45-0, ouais, c'est bon, je vais mettre là. J'ai connu une vieille pute qui avait fait plus de 2000 passes aussi. alors cobaye, comme tous les joueurs qui sont les meilleurs athlètes de leur spécialité de tous les temps, ce mec-là, il a jamais gagné les Jeux Olympiques. C'est le genre de truc, c'est un lieu commun. C'est le truc, tu vois. C'est... Est-ce que vous savez pourquoi? Il était malade. Il n'y a pas de points à gagner, c'est juste. Il était dans une mauvaise sélection. Les Canadiens sont quasiment une des meilleures équipes au monde. Ça n'a pas été mis dans les années 80, le hockey? Non, ça existait déjà. C'est quoi la question? Il n'était pas sélectionné. Il était un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur du monde dans une des meilleures équipes nationales du monde, mais pourtant ils ont jamais. Il n'a jamais gagné les Jeux Olympiques. Il était blessé tout le temps. Ce n'est pas représentatif. Non plus. Il a refusé? Non. Il n'a pas été sélectionné. Enfin, il a été sélectionné, il a été sélectionné. Les Jeux d'hiver, ça a commencé tard, quoi. Il aurait pu être sélectionné. Parce que le hockey c'est dans les jeux d'hiver, non? Il s'est embrouillé. Ouais. Il s'est embrouillé. On va battre sur le chat. Il dit à cause de sa nationalité. Non, c'est vraiment pas un problème de nationalité. Est-ce qu'il avait un autre métier? Il y a un lien avec le fait que c'est contractuel. Alors du coup, il était professionnel, mais il ne pouvait pas quitter le sol canadien. Non. Ah, parce qu'ils étaient. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait. Les contrats des joueurs de hockey sur glace appartiennent au club. Ah, les clubs, la National Hockey League est pro. Ouais. Est détentrice de tous les contrats de tous les joueurs. Et comme c'est un contrat de travail et que le sport olympique est amateur, il y avait des exceptions pour pouvoir les y envoyer, mais eux, ils privilégiaient leurs intérêts. Et aujourd'hui, on a encore le problème, c'est-à-dire que les joueurs professionnels n'iront pas aux Jeux Olympiques d'hiver. Le hockey sur glace ne sera représenté que par les professionnels. Tu peux mettre un point en Randal parce qu'il a dit. C'est un peu comme le foot en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment comme le foot au niveau du. C'est ça. Et en fait, il y a tellement d'enjeux. Regardez le problème. Je vais vous faire une analogie. Peut-être qu'il parlera plus. Tony Parker, quand il joue avec les Spurs de San Antonio et que son club ne veut pas le lâcher pour qu'il vienne jouer en équipe de France. Mmh. Et bien, il est obligé de prendre une assurance personnelle sur son nom, de casser une partie de son contrat. S'il lui arrive quelque chose pendant les événements nationaux, c'est assez frais. Voilà. Et parce que le club est complètement propriétaire du temps de disponibilité de son joueur. On a même promis dans le rugby. Wayne Gretzky, le seul moment où il a pu aller jouer les Jeux Olympiques, c'est qu'il était cramé. Ils ont fini quatrième. Ils sont tombés sur la Red Army, l'équipe russe, qui a défoncé tout le monde à cette époque-là, et donc il n'a jamais pu gagner les Jeux Olympiques uniquement parce que soit il n'a pas pu y participer ou alors il tombait vraiment sur plus fort que lui. Voilà. Alors, Rantin sur le chat, il fait ouais, un point, je vais gagner la Switch avec les couverts assortis. Ah, c'est ouais, c'est pas mal. Randall, il doit être à 5 normalement. Moi, comme ça, j'ai de mémoire, j'ai fait 3-4, mais c'est peut-être 5 avec ce point là, justement. Moi, j'ai 5. Voilà. Bien. Ok, bien. On continue, ça va ? Vous êtes toujours chaud ? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, on a vu qu'on avait deux pays qui s'affrontaient dans la course au titre suprême, ouais. Parce qu'à la fin, quand même, c'est quand même tout un ensemble de clubs qui veulent gagner une seule coupe. Oui. Par contre, dans quelle proportion on a des Canadiens et des Américains ? Allez, je vous laisse une fourchette de 5% près. Alors, du coup, maintenant ou à l'époque ? Maintenant. Maintenant, on est dans l'équipe, dans la configuration actuelle. Je veux d'abord votre nom, après je vous fais un truc à 5%. En termes de joueurs ou de club ? Non, de club. Mais Noé a demandé la parole. 40-50. Pour non, on 40 Canadiens, 50 Américains. Ah oui. Non. On va faire une réponse d'abord Amérique et après Canada. Okay. Azartov, 75-25. Et on est bien. Aujourd'hui, ça, ouais. Sur toutes les équipes qu'on a, je crois que je ne vais pas vous donner le compte total parce que je crois que ça fait l'objet d'une question après. On est à 77% d'équipes américaines pour 23% d'équipes canadiennes. Quand on pense que dans l'inconscient collectif, c'est quand même le Canada qui revendique la paternité de ce sport-là et qui se revendique comme le porte-étendard de ce sport-là. On se dit, quand même un moment où ça. Ils ont des grosses équipes. Il y a quand même un moment où ça chie dans la colle. Quoi. Et Randall avait les deux tiers de requins sur le. Et sur le non, les deux tiers de requins, on est un peu en dessous, ça fait 66. C'est 3 quarts. Ouais, c'est plus 3 quarts du coup. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Pour info, on a donc la Ligue nationale de hockey qui est divisée en deux conférences. On a l'Association de l'Ouest. Oui. C'est pas dur, hein. Vous prenez le méridien qui pète les États-Unis en deux et qui s'appelle pas Donald Trump. Vous avez l'association de l'Ouest à gauche, l'Est à droite. Ah, ils ont repris le même principe que pour dans le ces on est un peu comme dans la NFL, comme dans la NBA. Hein. On a des conférences et des divisions. Ouais, c'est ça. On a une division pacifique. Ouais, et puis 31 équipes, ça te fait. Bah, 31 équipes, il n'y a personne que ça a choqué de pas avoir un nombre pair. Si, bah carrément. Dans le rugby, ça me choque pas. Non, mais dans le rugby, de toute façon, vous savez pas compter. Donc, ça, c'est pas gênant. Et ils ont 15 jambes, 15 bras. Ah, voilà. Ouais, c'est vrai. Déjà, tu vois, pour commencer. Bah non, ils sont 15 par équipe. Ça fait 30. Ça fait 30. Donc, c'est pair. C'est surtout qu'on a des divisions. Donc, on a 4 divisions. Ouais. Et on a une division complète qui est libre de toute équipe canadienne. On a la division métropolitaine. Bah, c'est vrai qu'avec 31, du coup, c'est vrai que pour faire. Du coup, t'as 3. Ben, on en a 16 à l'est ouais. et 15 à l'ouest. Mais ouais. Ils sont en train de travailler dessus, ils sont en train de se demander, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai entendu parler de Seattle. Ouais. Ils sont en train de se demander s'ils vont pas mettre encore une autre équipe parce que à l'ouest. Le problème, c'est que remettre une équipe à l'ouest, certes, ça équilibrerait la conférence ouest. Mais le problème, c'est que t'as encore les mecs à Québec. Qui vont se dire, putain, mais nous, on a tout, putain, mais venez, hein, puis qu'on se mette une bonne maillotche avec les Montréalais, et puis voilà, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça, ben, le rugby, c'est pareil, quand ils ont voulu dégraisser le Super 18 à la Conférence du Sud, avec l'Argentine, tout ça, ben, ça a été le même problème, quoi, ils ont été obligés de dégraisser pas mal, quoi. Ben ouais, ça fait du monde, donc c'est 31 équipes, là, pour l'instant, ça gêne un petit peu tout le monde, personne ne se le dit, surtout que les calendriers, après, c'est compliqué. Mais avec 31. Parce que c'est quoi que, pareil, c'est un match par semaine, non ça doit être... Alors, justement, avec 31 équipes, à votre avis, combien de matchs doit jouer une équipe par saison régulière avant de pouvoir espérer accéder aux playoffs? Ouais, c'est chaud, je vous la mets à 5 près. On donne le nombre de matchs qu'une équipe doit jouer dans toute une saison régulière pour accéder aux playoffs. Et je vous donne une marge de 5. Bah, et ça, c'est pour 3 points. Asto. Ouais. 60. Non. Et là, je vous dirai même pas si c'est plus ou moins. Noé, 30. Non. Ah, c'est, bah, du coup, c'est... Gandalf, moi je dirais 47. Non. Attention, on est dans des sports qui sont très physiques. Moi, c'est pour ça, je le dis déjà, c'est énorme. Et on est dans des sports où, quand on connaît la quantité de matchs à la fin, on se dit, c'est pas possible, les footeux, c'est des lopettes. Vandal dit 80, mais je pense que du coup, c'est Randall, beaucoup, de ce que tu viens de dire, c'est les beaucoup les moins. Les footeux en font 38. Et pourtant, c'est Randall qui va prendre 3 points, non, parce qu'on a 82 matchs de saison régulière. Avec un match aller-retour. Et ouais, aller-retour. Ouais. Tu fais 31, alors, moins 1, ça fait 30, chaque équipe, 60 minimum. Mais là, chaque équipe joue en partie régulière 80 matchs. Alors, on joue 41 à domicile, 41 à l'extérieur, ça, on fait en la En fait, ils multiplient les matchs de la conférence par match aller-retour et ils font un match contre les équipes par de contre, la conférence. Par contre, ce qu'il y a, c'est que selon les années, tu joues 4 ou 5 matchs contre les autres équipes de ta division. Ouais. D'accord. On est divisé en 4 divisions. Plus. Oh. Ah oui, mais c'est comme ça que naissent les rivalités, c'est comme ça qu'on entretient le système capitaliste. Putain. Ah, on joue 3 matchs minimum contre les équipes de la même association. Ah ouais, putain, mais c'est énorme. 4-5 matchs dans la même périphérie. Wow. 3 matchs dans la même région. Ouais. Et après, tu vas aller rencontrer les équipes de l'autre association, ouais, de l'autre côté, au moins 2 fois. Et tu arrives à... Ouais, le super rugby, c'est et voilà, aussi. Et tu arrives à 82 matchs par c'est-à-dire saison. C'est-à-dire qu'il joue 2 fois par semaine, en fait. Et c'est un rythme tous où des fois, tous les 4 jours, tu peux jouer une fois... Deux fois, donc tu peux jouer le lundi, le mardi, tu peux te reposer le mercredi, tu peux rejouer le jeudi, le vendredi. L'NBA, c'est pareil, c'est énorme. Je suis pas spécialiste NBA, mais j'imagine qu'ils doivent être dans des résultats comme ça. Ouais. Mais par exemple, pour donner, on en discutait ce matin avec Noé, les Flyers, ceux-là, ils vont jouer 2 matchs d'affilée le mercredi, jeudi. Et après, ils vont avoir le repos le vendredi et ils vont réenchaîner le samedi. Mais il faut sacrément, en plus. Ah ouais, putain. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mecs-là, en plus, ouais. c'est des grands malades. Ouais. Le matin, des jours de match, ils s'entraînent. Oh, putain, et quand ils jouent pas, ils s'entraînent. Mais ça m'étonne pas. Demande à un hockeyeur qu'est-ce qu'il fait quand il s'entraîne pas. Il va te dire qu'il est malheureux. Ces mecs-là ne vivent que pour la glace. Et c'est un exemple que tu peux très bien appliquer aux joueurs de hockey sur glace en France. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir leur demander. Ouais. Ces mecs-là, s'entraîner, ça leur casse les couilles. Ce qu'ils veulent, c'est jouer. C'est ils veulent se mettre des boîtes, ils veulent mettre des pucks et ils veulent jouer. Ouais. Et 82 matchs par mois, par an. C'est énorme, franchement. Je suis... Mais pourquoi tu crois qu'ils se battent tous pour aller en play-off? Parce que ces mecs-là, ils ne vivent que pour ça. Les mecs qui finissent les play-offs à la fin mai et qui redémarrent au mois d'octobre, ouais. Mais de juin à fin septembre, mais ces mecs-là, ils sont malheureux comme des pierres. Et du coup, tu me poses une question sur les playoffs, parce que ça va représenter pas mal d'équipes. Les playoffs, c'est pas dur. On va prendre. Honnêtement, je sais pas si j'ai une question là-dessus. Les playoffs, c'est on prend les 8 équipes de chaque conférence, les 8 premières équipes de chaque conférence. Ouais, on fait quart, demi, finale de conférence. C'est un peu comme la NFL. Ouais. Et puis après, on arrive à la. Je suis classique, pas le barrage, il y a pas de truc comme ça. C'est au meilleur des 7 matchs, par contre. Meilleur des 7 matchs, si t'es un match nul à la fin du temps réglementaire, tu joues autant de prolongation de 20 minutes qu'il est nécessaire pour départager les deux équipes sur un but vainqueur. Ah ouais, d'accord. On a vu des équipes genre Chicago-Anaheim jouer des matchs en prolongation avec 4 prolongations. C'est-à-dire que le match dure 1 heure. Ouais. De temps effectif, attention, on est sur du temps effectif. Donc, avec les 30, non ouais, dès que le palais est gelé, on arrête le chrono. C'est-à-dire qu'un match, quand tu le regardes à la télé, ça dure 2h30, 3h. Pour 1 heure de temps de jeu effectif. D'accord ? Donc, après, derrière, quand tu vas jouer 3 ou 4 prolongations, eh ben, tu as des matchs qui font 7-8 heures. Et les mecs, ils remettent ça le lendemain. En playoff, je te jure, c'est une tuerie. C'est comme le baseball, quand tu oublies le baseball. Ouais, mais le baseball, c'est pas mon truc. Et du coup, forcément, il y a tellement de matchs, on a tellement l'occasion de se distinguer qu'après, il y a des trophées. Oui. Vous savez que les Américains sont... Enfin, la culture nord-américaine est fan de tout ça. Oui. C'est toute une liste de trophées, tant individuels que collectifs. Ouais, MVP, tout ça. Voilà, par exemple. Oui. Est-ce que vous savez combien il y a de trophées à distribuer dans une fin de saison régulière et une fin de playoff. Azertov, 15. On est sur plus. Ah ouais, oh, ouais. Wow, moi j'étais sur 5. Non, mais quoi. Tu vas avoir les trophées pour les joueurs, les trophées, les trucs comme ça, je pense. On brosse tout. On a le trophée majeur qui est la récompense d'équipe, la récompense suprême. Tout le truc de base qu'on connaît. Après, je vais juste vous en énumérer quelques-uns, mais pour vous expliquer le principe. Tu peux énumérer plus de 15. On va récompenser celui qui est le top du top, le premier à la fin de la saison régulière de toutes les équipes. Ouais. Après, on va avoir le vainqueur de chaque conférence. Oui. Après, on va avoir le meilleur jeune joueur. On va avoir le joueur le plus utile à son équipe dans un secteur particulier de jeu. Enfin, on va avoir tout un tas de statistiques à l'américaine. Donc 15, on est au-dessus. Franchement, ouais, on est au-dessus. Basket, il y a déjà vachement. On n'est pas loin. On n'est pas à 50 non plus. Ouais. Hein, allez pas chercher super loin. Mais on est à moins de trophées qu'il y a d'équipes. Déjà, on est à moins de 31. Comme ça vous aide un petit peu. Oui, donc c'est entre. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est Noé, oui. 21. Ah, on y est presque. Ah, Azertov, 22. On est bon chez Azertov. Ouais, c'est ce que le pire, c'est regardez-le celui-là. Le pire, c'est que je le pensais en plus. Le 22, je vois ça me donne plus de plaisir. En proposition, 22, j'avais 25, mais. 22, c'est mon département en plus. Quoi, j'aurais dû, pour faire simple, on a la Coupe Stanley, qui est la grosse coupe, hein, la coupe aux grandes oreilles, comme dirait Raymond. On a le trophée du président. Qui est particulier parce que c'est le trophée qui récompense l'équipe qui est la meilleure de toute la saison régulière parmi les 31 engagés. Enfin, aujourd'hui, ouais, 31 c'est engagés. Et il y a une malédiction pour cette équipe-là, c'est que celle qui remporte le trophée du président généralement, ne gagne jamais les playoffs. les Bruins de Boston, on en fait la meilleure expérience. Les Blackhawks de Chicago, pareil. Les voilà, c'est le système des playoffs après c'est... Tu voilà. Demanderas à n'importe quel joueur de hockey, il te dira les playoffs, c'est toujours une nouvelle saison. Bon, c'est ça. Les mecs, les compteurs seront mis à zéro. Quand ils savent qu'ils vont jouer les playoffs, ils mettent le frein à main, c'est terminé, ils attendent les playoffs et quand ils montent sur les. Moi, j'ai entendu un mec des Scorpions de Mulhouse à Bordeaux, à la patinoire de Bordeaux. Il est rentré sur la patinoire. Ce mec-là, il n'avait jamais rien branlé de sa saison. Il est rentré sur la patinoire et il a dit « This is the new season now ». Il est rentré sur la patinoire et il a déboîté les boxeurs de Bordeaux. Il n'a jamais rien fait de sa carrière. Et ce mec-là, ce jour-là, il s'est révélé. Comme quoi, c'est dans la tête. C'est vraiment un état d'esprit. Et après, donc, on a le trophée du Prince de Galles pour un vainqueur de conférence. Et quand Prince de Galles. Ouais. Bah, attention, on est quand même dans un dominion à la base. Ou la coupe Stanley, quand même, c'est Lord Stanley qui était détaché du corps expéditionnaire britannique au Canada. Hein, donc on est quand même sur une tradition britannique. Ah, toi, j'aurais pas cru, toi, avec les... Après, on a les trophées individuels. Donc on a le trophée du meilleur gardien, le Vezina. On a le trophée Calder pour le meilleur jeune joueur. Donc première saison professionnelle. Généralement, bah, c'est quand même des bons petits joueurs. Oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a ? On a le Vezina, donc, qui lui est spécifique aux gardiens, et on a même des trophées spécifiques pour les entraîneurs et les dirigeants, comme le trophée Jack Adams. D'accord. Mais il y a toute une flopée, et c'est remis et décidé soit par les journalistes, soit par les joueurs eux-mêmes, qui disent de notre avis commun, c'est ce joueur-là qui a été le plus efficace pour son équipe. Voilà. Les Blackhawks sont-ils détachés du corps ? J'ai pas. Ah oui, d'accord, ok, ah, très bien. Mais désolé, j'y étais pas. Alors, vous savez qu'on a 31 franchises, vous savez qu'il y en avait... On s'est remis à zéro. Il y en avait 6. On est à 3h10. Il y en avait 6 à l'origine. À votre avis, Maudit Corliss, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle équipe est la plus titrée aujourd'hui ? Montréal. Noé, Montréal. Et c'est une bonne réponse. Les Canadiens de Montréal, pour être plus précis. Les Canadiens, oui, c'est ça. Ouais, de l'équipe éponyme, qui détiennent 24 titres dans l'ère moderne de la NHL. Et 24 titres, tu dis Stanley, quoi. 24 coupes Stanley. Okay. Chez eux, c'est la coupe Stanley. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Par contre, ils traversent quand même une sacrée mauvaise passe, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 93. Ah ouais, là j'ai vu le game. Ah ouais, putain, 24. Ouais, leur dernière victoire c'était face aux Kings de Los Angeles. Et ils sont bien placés, depuis... mais il n'y a jamais fait un quart. Ah ben là, depuis. Pouille d'or. Pouille d'or, c'est les pouilles d'or. Ouais, putain, donc ça nous fait 3 points pour le petit Gandalf. Mine de rien. C'est pas mal. Noé. Noé, pardon. C'est pas excuse-moi. Non, non, c'est mais... Pas non, mais c'est parce que j'étais resté sur sa. Sur son intervention. Sur sa. Ouais. Non, non, non. Attends. Pas de ça avec moi, pas de ça avec moi. Laisse ça en petit blanc. Et les petits blancs. Et les petits blancs. Ok, donc là on a la plus titrée et maintenant on va juste voir si vous avez pris le temps de regarder un tout petit peu, et même si c'est pas le cas, moi je vous en voudrais pas, hein, parce que c'est déjà assez confidentiel comme ça. Je vais pas vous venir vous casser la tête. Oui, hein. Quelle est l'équipe qui détient le trophée actuellement? C'est pas Pittsburgh? Gandalf, Pittsburgh, non c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça, c'est Pittsburgh. Pittsburgh qui est en train de nous faire c'est une série. Ouais, c'est une bonne équipe. Ouais. Pittsburgh qui est une série qui détient non seulement le trophée de cette année, mais l'année précédente. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3 in a row. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Depuis 83, cette série de 3 n'a plus été faite. Et il n'y a que 3 grosses équipes qui l'ont faite. On a Toronto qui l'a fait 3 fois. Toronto. On a les Islanders de New York qui ont déménagé à Brooklyn qui l'ont fait en 4 fois. Ouais. Et on a Montréal qui a fait un 5 d'affilée. Bon, ah ouais, quand même. Mais ouais, on est sur des époques différentes. Ouais, voilà. On est quand même sur des époques différentes. Mais aujourd'hui, c'est quand même Pittsburgh qui tient la route, qui tient la corde avec leur joueur emblématique. Sidney Crosby. Crosby, c'est ce qu'on appelle Sid the Kid. Voilà, bon, qui est un peu une tafiole, qui est un peu une lopette, mais qui a de très bonnes mains et qui sait très bien jouer au hockey, qui a le sens du hockey. Voilà. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Non, mais le problème, c'est que pour un fan des Flyers, tu peux pas dire que Crosby est le meilleur joueur du monde. Voilà, après, on va rentrer dans la polémique Crosby-Ovechkin. Et on va être d'accord. Moi, je peux pas te. Ça va être pour les profanes, on va dire que c'est du Messi-Ronaldo. D'accord. Voilà. C'est qui le meilleur? C'est Messi, bah, c'est Ronaldo. Ronaldo. Non, ben voilà. C'est encore l'hippopotame. Allez, on approche de la fin. Et puis qu'elle sera chaud. On va dériver un tout petit peu et puis on va essayer de récupérer les cinéphiles qu'on a perdu en cours de route. L'enfer du dimanche. Non, non, ça c'est le foot américain. Et qui est très bon film. Seulement, on rentre dans le cinéma où il y a un des films les plus populaires qui s'appelle Slapshot. La traduction québécoise, c'est lancer frapper. En France, c'est la castagne. Marcher parler. Ouais, aussi. Ah, je peux frapper en marchant. Je fais du lancer frapper. Voilà. qui s'appelle la castagne en France, sur lequel je suis tombé complètement par hasard quand j'étais tout minot. Je devais avoir une dizaine d'années. Voilà. Et en fait, ce film n'est pas inspiré de la NHL, mais tout à l'heure, on a parlé de l'AMH, de l'Association mondiale du hockey. Et ça raconte les déboires d'une toute petite équipe de hockey sur glace, mais des ligues les plus profondes des villes pourries, et qui s'appelait les Chiefs de Charlestown. Alors, s'il y en a qui suivent mon compte Twitter, voire même de temps en temps le compte Instagram, ils ont dû voir ce maillot-là avec le maillot des frères Hanson. Le groupe Hanson? Non. La particularité de ce film, c'est que... On revient sur la carrière d'un entraîneur-joueur qui s'appelait Reggie Dunlop. Reggie Dunlop. Il avait un nom de pneu. Mais est-ce que vous sauriez me dire, pour aller deux points, quel acteur aurait pu jouer là-dedans? Rondel. Pépé a demandé la réponse et après je prendrai celle de Rondel quand même. Richard Dean Anderson. Non, on est sur un film plus fin 70, début 80. Rondel a dit une suggestion. J'écoute la suggestion de Rondel. C'est Paul Nouvel Homme. Paul Nouvel Homme. En québécois. Je voudrais pas dire, mais je pense que Rondel est quand même en train de vous mettre une sacrée branlée. Non, mais Rondel, Ça mériterait une générale. Rondel, moi, tu vois, je prends une piquette comme ça, je jette les gants, je monte sur la glace et je défonce tout le monde. C'est un GG à Rondel. Attention, parce que GG Randall, hein, s'il nous remet encore une bonne réponse, on a le droit de jeter les casquettes sur la glace pour le hat-trick. Ah, je connaissais, tu vois, je savais même pas qu'il y avait un film sur comme ça. Mais il y en a plein de films sur le hockey. Moi, j'imagine, Ouais. C'est sorti en France, et même des fois, c'est le hockey. Oui, les visiteurs 2. Donc là, on a vu que c'est le hockey qui inspire le cinéma. Ouais. Des fois, ça peut être l'inverse. Un film de hockey peut influencer les autorités, les grands commissionnaires de la NHL. C'est ce qui s'est produit pour une équipe du circuit. Et cette équipe est toujours en activité, elle est toujours implantée dans sa ville de création. Et en 1992, Walt Disney a sorti un film, The Mighty Ducks, donc les petits champions en France ou ah oui les jeux de puissance au Québec, et a lancé une nouvelle vague d'engouement dans le hockey chez les jeunes. Devant le succès du film, hein, qui a quand même fait putain, 51 millions de dollars, enfin rien que de le lire, moi ça me trouve plus le film un peu. Ils ont décidé de demander à la Ligue nationale qu'une franchise leur soit attribuée. Et là, moi, je repense aux mecs de Québec où, historiquement, ils devraient avoir leur franchise. On leur dit non. On leur chie à la gueule. Voilà. Et là, juste parce que Disney arrive avec un peu de pognon, est-ce qu'on peut avoir une équipe ? Ben, bon, d'accord. Là, oui. Bon. Et on vous dit, votre pas équipe s'appellera les Mighty Ducks. Et ça a démarré le 7 juin 1993. Donc, Disney est prêt à utiliser sa machine commerciale pour réaliser les produits dérivés. Ils ont fait une série de télé. Hein, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ils ont fait des jeux vidéo, ils ont fait une ligne de vêtements et elle a été revendue finalement en 2005 à Henri Samueli qui au début de la saison 2006-2007 engagera vraiment une politique sportive avec les Ducks, avec un nouveau logo et une nouvelle tenue. Mais par contre, ma question c'est pour 3 points, dans quelle ville ça s'est produit? Je viens de chercher les images, du coup, il y a pris. Donc toi, t'es hors-jeu? Ouais, je joue pas, du coup. Non, regarde le chat, c'est des fois que dans... Disney, ils ont un truc de hockey, quelque chose. Si, imagine un petit peu, comme si, après Space Jam... Ouais. Les Kangaroos Juniors. On te disait, on va monter une équipe avec Michael Jordan. Vous avez déjà vu le logo, c'est, comment dire, un masque de hockey en canard, avec deux crosses serrées, comme ça. Oui. Et donc, c'est dans la ville de... Et c'est genre une ville qui est pas du Duck tout. T'imagines Donaldville. Qui est pas du tout dans les ligues majeures. Hein, quoi. Si. Ah si, ils ont toujours leur équipe aujourd'hui. Hein, c'est... Il n'y a pas un fond vert Sûrement, non, oui. Ils sont verts, leur couleur c'est vert. Oui, c'est vert et violet. Attention, les couleurs actuelles, c'est le noir, le orange et le doré. Du coup, ça a changé. Oui, ça fait un moment que c'est changé. Ouais. C'est... À l'origine, c'était vert, mauve et blanc. Ah non. Vert, mauve, blanc. Ouais, bon, je vois ce dessin animé avec ce truc. Ouais. Mm-hmm. Donc tu dis. Ah, mais franchement, ils ont fait tout ce qui était possible de faire en termes de marketing pour tirer du pognon là-dessus. Mm-hmm. L'Ohio dit. Randall, c'est dans l'Ohio, mais pas Cleveland. Non, c'est pas dans l'Ohio. C'est Ohio, Gozaimas. Je peux vous dire que c'est dans une ville de Californie et que c'est dans le comté d'Orange. Le Orange County. Non, Phoenix, c'est en Arizona. C'est en Arizona. Et c'est les Coyotes. T'as trop longtemps. California, c'est San Francisco, quoi. Mais Californie, on est sur du Los Angeles. San Francisco. Voilà. C'est moins connu. C'est une ville moins connue. Bah ouais, je me doute. San Francisco, c'est trop. C'est une ville qui est une ville québécoise, je trouve. Alors, peut-être que ça va aider les musiciens. On sait jamais. On a une personne qui a créé une marque de guitare qui est devenue hyper connue et qui vient justement de cette ville. Marshall. Non, il est né en 1909 là-bas. Gibson. Non. Léo Fender. Fender. Fender est né là-bas. Donc déjà, on a un petit bonus de 2 points pour monsieur. Il est né là-bas. Et moi, je suis né ici. Mais ça nous donne toujours pas la ville. Ça nous donne toujours pas la ville. Donc c'est Fender. Aim. Fender est né là-bas. Aim. Et voilà, et c'est un triplé pour monsieur Randall Flagg. Jetez vos casquettes. C'est la ville de Disneyland. Aim. Exactement. C'est la ville de Disneyland. Ouais. Ah oui, Aim, oui. Bon, il y a un gros festival de la guitare là-bas d'ailleurs. Donc, ville de Californie, comté d'Orange. C'est pas le jeu le rigolo, hein. On rigole, mais la c'est pas Zizou. C'est pas Zizou. Conférence Ouest, Division Pacifique. Donc, ils ont été fondés en 93. Avant, ils s'appelaient les Mighty Ducks. Aujourd'hui, ce sont les Ducks. Depuis leur arrivée dans la NHL, ils ont été champions de division une fois en 2006-2007. Ils ont participé à 2 finales de Coupe Stanley, ce qui est relativement appréciable pour une équipe très jeune. Parce qu'une équipe qui est jeune, qui fait de la draft, n'a pas forcément toujours les meilleurs joueurs de disponibles sur le marché, n'a pas forcément les fonds nécessaires pour acheter les meilleurs joueurs. Alors, il n'y a pas de système comme dans la NBA où les grosses équipes prêtent aux équipes les moins. Là, on a recours à ce qui s'appelle une draft d'expansion, c'est ce qui s'est passé pour cette année pour Las Vegas, où chaque équipe déjà en compétition à protéger quelques joueurs, mais à laisser libre une partie de son effectif. D'accord. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Pierre-Édouard Belmar, un Français, qui jouait aux Flyers de Philadelphie. Fils de Pierre. Ouais. Et qui jouait, mais qui est parisien, et qui jouait à Philadelphie et qui a été transféré au Knight de Las Vegas. Voilà. Entre autres Français, si on peut encore les citer, on a Antoine Roussel qui joue aux Stars de Dallas. Il nous reste. Je n'ai plus son nom. Il y en avait pas un qui était. On avait Cristobal Huet qui est passé par les Canadiens de Montréal, qui a été qui a gagné la. Attention, qui a gagné le titre avec les Blackhawks de Chicago, qui ensuite est passé par Los Angeles. Voilà, le pionnier des Français en NHL, c'est quand même l'entraîneur des boxeurs de Bordeaux aujourd'hui, c'est quand même Monsieur Boson, Philippe Boson, qui a joué au Blues de Saint-Louis, dont le fils Timothée a été gravement atteint par une méningite foudroyante, dont il s'est sorti il y a 2 ans, 3 ans, c'était passé sur stade 2. C'est une maladie, ouais. Et qui était promis un bel avenir et qui malheureusement a été retranché par les Canadiens de Montréal. Donc maintenant il a un petit peu de mal, il tourne en Europe. Voilà, et il y a ce fameux défenseur français qui a commencé, Johan Ovitu, voilà, actuel, qui a fait sa première saison l'année dernière chez les Devils du New Jersey et qui aujourd'hui est dans l'équipe d'un des meilleurs prospects de la NHL. Savoir Connor McDavid aux Oilers de Edmonton. Voilà. Donc je sais pas si ça vous a aidé à appréhender un tout petit peu mieux la NHL, parce qu'on n'a pas vraiment parlé du sport, on a plus parlé des petits à côté. Mais si ça vous donne envie, eh bien, vous savez où est-ce qu'il faut toquer pour venir avoir des infos. Voilà. Et moi, le grand gagnant de ce quiz est quand même Monsieur Randall Flagg. Le chat a gagné. Il est extrêmement content d'avoir gagné la Switch. Que je ne pourrais pas lui offrir, mais que tu te feras un plaisir de lui amener au prochain Podren. Voilà. On se cotisera. Par contre, je veux bien lui offrir une caisse complète de Clopipo si ça l'enchante. Qu'il me dise oui, que je le note et que je ne l'oublie pas. De toute façon, tu lui donnes déjà une caisse pour Podren. Non, je lui donne une bouteille pour Podren. Ah, c'est une bouteille. Mais je suis prêt à mettre une caisse en jeu. Lâche une caisse, c'est sympa. Tu l'as fait tout à l'heure. Ah, je pense qu'il a dit oui du vin, donc je note une caisse de 6 pour monsieur Randall Flagg. Cette photo est très. Oui, du vin. Ouais. Voilà. Et ben, c'est tout pour moi. Franchement. Par contre, j'ai soif. Oui, c'était bien surpris. Il te reste de la télé qui de la télé qu'il a. Est-ce que je peux avoir quelque chose qui a soif moins? T'as de l'eau? Ouais, bah ça me va. Quelque part. Bon, on va le surf, t'as pas. Je vais te chercher ça et en attendant, faut combler. Faut combler, meubles, Conforama, IKEA. De toute façon, c'est à Monsieur Gandalf de combler cet épisode. Oui, mais c'est moi qui lance les jingles. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, faut un peu combler. Bah, très, très bon quiz, merci. Pardon, excuse-moi. C'était très bon quiz. Je sais pas, c'est le premier que je fais, je sais pas comment l'aborder, donc j'espère que ça vous a plu. Après, je pourrais vous en faire d'autres. Oui, un quiz instructif. Je peux en faire d'autres, mais est-ce que ce sera aussi intéressant? Je sais pas. Moi, de toute façon, le hockey, dès que tu me lances, c'est fini, quoi. Je suis un peu comme certains, je sais pas freiner. Ouais. T'as Revan sur le chat qui fait t'as le lot, coco, coco, t'as le lot. T'as de l'eau. Revan, tu peux retourner te coucher, s'il te plaît? Un jour, je fais un quiz sur le rugby avec la question fatidique: quel joueur coûte le plus cher à la sécu? Rocoso, non. Non. Rococo. C'est pas un joueur. Citez des noms de Fidjiens, Rocoso. Merci Randall, ça fait plaisir, c'était le premier. John McAlou. John McAfee. Il y a un Fidjien qui s'appelle Chalana. John McAfee. John McAfee. Chalana. Et bon, maintenant que tout le monde est revenu à sa place, et ben maintenant je peux dire que on va conclure cette émission avec une petite chansonnette. Et maintenant, chantons. Ah, je lance le jingle. Oui, je lance le jingle. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Pourquoi j'ai du retour? Parce que c'est le live que. Non. Ah, d'accord, ce que je veux dire, parce que j'ai eu un sacré lag. Il y a un écho. Il y a un bel écho ici. Dans le lit. Ah oui, c'est ça, ouais. Dans l'ordre. J'ai pas eu le jingle là. Si, moi j'ai eu, mais en même temps que le live, c'est un peu. Si, vous voyez. Alors, dans la dernière session d'enregistrement, je vous avais passé du Björn Ris. Non, pas Joseph Training. Attention. Attention. Le nouvel album n'est pas sorti, de toute façon, même si j'ai les collègues qui citaient faire kilo. J'ai pas écouté encore. Je vais trouver Bornoris à l'époque sur Amazon, comme ça, tranquillou. Tu dis qu'est-ce que c'est ? C'était pas mal. Donc après, j'ai vu qu'il. Surtout qu'il avait un groupe qui s'appelle Airbag. Non, magnifique. C'est des Norvégiens, encore une fois. Et donc je me suis penché un peu plus sur leur discographie. Pour l'instant, il y a un EP et trois albums. Le premier est pas le mieux, c'est pas mal. Mais les deux derniers sont pas mal. Et Bornoris aussi, bientôt, il sort un petit EP. Bornoris ? Ouais, Bjorn. Le cycliste ? Ah non, le pédaleur. Le ouais, pédaleur. Le gars de la pédale. Et j'ai plus le titre, je sais que c'est White Hall, c'est sorti, oui, sorti en 2014 et c'est sur l'album. Ouais. D'accord. White Hall, même, c'est bien plus sûr. White Hall. Et c'est sorti sur. All. Merde. Le nom de l'album ? Ouais, Move All, je sais pas. Tu l'as mis dans le lien. Généralement, je mets tout. All right, removed. Non, c'est du bon. Moi, je trouve que c'est du bon progressif. Ça se laisse bien écouter. C'est pas trop pompeux. C'est bon. Faut peut-être. Ça tire un peu Pink Floyd, tout ça. Mars, Volta, c'est pas mal. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus et on se dira au mois d'avril. Mais là, ce sera une autre histoire. Bah non, au mois prochain. Au mois prochain. Ouais, ouais, prochain. Avec le beau temps, le barbecue, les bières et le tout team de Bordeaux. Toujours. Adi Chats. Adi Chats. Salut. Ciao. Try to fight, but nothing ever stays the same, ever stays the same. Stays the same, ever stays the same. Tired now, too small for you to see. If you cross this line, you'll lose all your memories.